Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Aimé Césaire disait « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. » Il n'est plus question de l'entendre à présent, ni même de le sentir. Vous le voyez. Vous le contemplez avec stupeur, incertain de votre capacité à l'affronter, à l'apaiser peut-être. Mais bien certain de son potentiel destructeur. De la haine qu'il habite, de sa soif de sang. Et dans ce qui pourrait très bien être vos derniers instants, vous vous souvenez de ce jour. Ce jour où, pour la première fois, vous avez appris son existence. Revenons au présent, à présent. Cela ne fait que peu de temps que vous êtes revenu de votre aventure dans la crypte de béton qu'était l'hôpital Select Specialty. Très peu de temps, même. Car vous venez à peine de franchir les portes du Cadio Market avec vos sacs, victorieux et victorieuses. Les yeux de toute l'assemblée se posent sur vous. Des sourires sur le visage de certains, des regards inquiets chez les autres. Immédiatement, vous êtes assailli de questions. Certains, vous le savez, n'ont qu'une envie, c'est regarder par eux-mêmes ce que vous avez ramené. Mais les temps ne sont pas assez difficiles pour qu'ils se jettent sur vous. Vous êtes tous un seul et grand clan, en tout cas pour le moment. Car Langstrom, le grand chef autodéclaré, vous fait directement signe de le suivre sur le toit. Quelques protestations discrètes fusent, mais une seule voix se fait entendre. C'est celle d'Archibald Flace, le chef de file du second groupe, assez récemment intégré à toute la communauté. On veut voir ce qu'ils ont trouvé. Pas question qu'on nous cache quoi que ce soit. Lâchez les sacs et laissez-nous tous faire l'inventaire. Langstrom ne répond pas. Il pose ses yeux sur vous, demandant silencieusement votre soutien. Votre sortie a fait de vous des gens importants, en tout cas dans les médias. Il sait qu'à l'instant, c'est vous qui décidez. Il se contente alors de vous faire un signe de tête pour que vous le suiviez. Que faites-vous ? Je pense qu'on peut montrer les ressources. Bon, ouais, je ne pose pas, tant que personne ne vole dans le tas, que les gens se tiennent quand même à une distance raisonnable, qu'ils ne viennent pas fouiller l'intérieur avec leurs petites mains, ça ne me pose pas de soucis personnellement. La confiance, c'est important dans un groupe. Très bien. Donc, vu que personne ne dit le contraire, j'imagine que vous êtes tous d'accord pour ça. Oui, parce que donc, j'ai même dit « ouais ». Ouais, très bien. Mais c'est parce que j'ai pas eu toutes les voix, mais... Tout va bien. Moi, je fais un signe de tête, oui. Très bien. Du coup, bah, vous ouvrez vos sacs. Est-ce que... J'ai juste une question. Est-ce que Dwayne aussi, je sais que tu avais fait tes petites emplettes de ton côté, est-ce que tu considères ça que c'est tes affaires personnelles ou est-ce que tu l'ouvres à tout le monde ? Dwayne Johnson. Simpson. Non, je montre à tout le monde, moi. Ok. Très bien. Donc, vous ouvrez vos différents sacs avec donc tout ce que vous avez récupéré, que ce soit les petits médicaments, les petits produits, quelques petits outils. Dwayne, d'ailleurs, ouvre aussi son sac quand il avait été faire sa petite expédition que vous n'aviez pas suivi, dans lequel se trouve un kit de soins, ainsi que des radios, tout simplement. Des radios, pas les radios pour le son, les radios d'hôpital. Donc voilà. En voyant ça, vous voyez qu'il y a plus de sourires à présent dans l'assemblée que de regards inquiets. Bon, ceux qui étaient vraiment, vraiment opposés, comme par exemple Jade ou Langstrom lui-même, restent de marbre, a priori, en tout cas en apparence. Mais rien de particulier. Personne n'élève la voix à présent. Et après que tout le monde ait pu regarder attentivement... Même Archibald Place tout simplement arrête de demander à fouiller un peu partout. Et Langstrom vous fait signe donc de finalement le suivre véritablement sur le toit si vous voulez bien. Bien sûr. Moi je le suis. Ok. Les deux. Mais je prends mon sac. Ton sac ? Mon sac à moi, pas le sac. Pas le sac avec les livres. Non. Ok. Très bien. Bon, du coup, les deux compagnons de Langstrom, les deux autres militaires, donc eux restent en bas avec les affaires et pour éviter qu'il y ait des tensions qui se montent à partir de ça. Vous faites votre petit tour et vous arrivez donc sur le toit avec Langstrom. Vous êtes seul avec lui. Et première chose qu'il fait, tout simplement, c'est d'aller vers vous les uns après les autres et de vous serrer la main de manière assez chaleureuse. C'est assez surprenant de sa part, lui qui vous a limite envoyé vers l'inconnu, très spécialement vers là-bas. Mais il se contente, après vous avoir tous serré la main, il se contente de vous dire « Bon boulot, j'avoue que je ne m'attendais pas à vous revoir ». Et si vous reveniez, je m'attendais pas à vous voir avec quoi que ce soit. Dans ma tête, je me dis quand même sympa le type. Je l'ai pas osé dire alors. Honnête. Alors. Je vous remercie d'être honnête avec nous. Je suis toujours honnête. Par contre, on a eu des explosions. Oui, justement. En effet, on a entendu au moins les échos jusqu'ici. Que ce soit l'alarme ou ce qui a précédé. Je pense que pour avoir un petit peu essayé de situer un peu les explosions, je pense que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et qu'on a croisé en fait des bâtiments qui étaient marqués. Et dont à l'intérieur se trouvaient des rôdeurs et c'est ces bâtiments là qui ont sauté. Donc, je pense qu'ils ont sciemment fait sauter les bâtiments qui contenaient ces rôdeurs là et ils les ont placés eux-mêmes à l'intérieur. Donc, à mon avis, ils doivent être quand même un sacré groupe, parce que pour arriver à faire ça, l'ampleur du boulot, je pense qu'on a affaire à un groupe assez large, et ils doivent être équipés. Et donc, à ces mots, il répond simplement... Oui, c'est surprenant d'ailleurs, d'après ce que Alexios nous avait dit, on avait quelques petits groupes de pillards, ce genre de choses, mais on n'avait pas de groupe aussi large pour avoir les moyens de faire ça. Disant ça, lui-même se tourne un peu vers la direction dont vous-même vous veniez avec votre véhicule, et vous pouvez voir au loin en effet que le quartier que vous avez fui est encore a priori non au proie des flammes, ou en tout cas une grosse fumée noire en... une grande fumée noire en émerge, en continu. J'aurais apprécié cependant qu'on ait qu'on aurait pu faire l'inventaire entre nous. Mais je comprends. Il y a des tensions, forcément. Vous voulez faire ce qu'il y a de mieux. Effectivement. Le problème que j'ai avec ça, c'est que vous êtes sûrement pas sans le savoir. Les rumeurs vont vite et on est en petit nombre. Les frères Place et tout leur troupeau sont bien d'avis de dégager. Et pas de dégager dans votre petit paradis de campagne comme vous voulez. Ils veulent aller où? Ça, c'est pas mes affaires. Mais vous comptez rester ici jusqu'à ce que faire sauter aussi? Non, j'ai déjà dit que je suivais la décision majoritaire. Et la décision majoritaire, c'est vous qui l'avez gagnée. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant... Oui? Ils veulent partir sans le groupe ou emmener tout le monde, mais plus loin? Non, ils veulent partir par eux-mêmes. Et le problème, c'est que maintenant qu'ils ont pu faire l'inventaire complet, ils vont demander leur part. Bah non, parce qu'on fait pas partie de leur groupe. Ça vous leur dirait? En effet, on pourrait aller leur causer quelques mots. Ouais. Il va falloir bien choisir les mots, hein, parce que je pense que... ils vont essayer de prendre ce qu'ils peuvent, hein. Ce qui est normal, hein. Mais... J'allais dire un truc, mais je crois que c'est pas très raccord avec mon personnage. Attends, je vais juste regarder sa fiche deux secondes. Ouais, faut quand même que je m'en mette dans le... Ouais. Je vais tous les buter. Ouais, c'était un peu ce genre-là, de genre, on a qu'à les menacer, je sais pas quoi, mais en vrai, c'est pas trop... Ouais, ah, regarde, tout le monde fait, en fait, mon vrai nom, c'est... Mokosh. Ouais, c'est ça. Mon personnage est un étudiant en médecine, c'est pas non plus Hitler. Ouais. Bon. En tout cas, je suis d'accord avec vous, je pense que ce serait mieux que ce soit vous qui alliez parler que moi. De toute évidence, il apprécie pas la direction du groupe. Mais avant que vous y alliez, j'ai besoin de vous faire écouter quelque chose. Écouter avec quoi? Avec ça. Il s'approche donc d'un petit truc qu'il a placé. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait une table, enfin, quelques caisses, tout ça, qui servaient de table sur le toit. Et cette fois-ci, sur cette table, il n'y a pas seulement une carte ou quoi que ce soit, mais il y a aussi une petite radio, pas celle de Dwayne, mais les radios pour écouter, quoi. Et tout simplement, il repasse une séquence, a priori, que vous écoutez. Et vous entendez à votre surprise, non pas un silence radio ou quoi que ce soit, ou même des messages apeurés, ou tout ce qu'on pourrait être en attente, enfin, ce qu'on pourrait penser entendre de nos jours-là, mais on entend une série de sons très distincts, informatiques, très clairement volontaires, qui semblent avoir un rythme... régulier, même s'il y a quelques nuances à certains moments, vous comprenez assez rapidement qu'a priori, il s'agit d'un code. Ouais, donc, en gros, c'est des pings, quoi. Ça ping... C'est ça. À chaque fois, quoi. Ça sert d'être quoi? Des coordonnées? Du morse? C'est peut-être du morse? Parce que c'est si ça fait... On a traduit ça, justement. Oh. C'est ça qu'on a fait, on est face à des militaires, moi. Oui. Et justement, c'est un message militaire, c'est une manière de coder qui avait justement été décidée au moment où tout a commencé. Mm-hmm. C'est un message qui nous vient directement d'un relais du gouvernement des États-Unis. D'après ce message... Ce qui reste de l'autorité du pays, c'est relocalisé en Alaska. Ils ont essayé de prendre contact avec plusieurs groupes dirigés par des militaires comme nous, et ils tentent de de réunir les communautés. Et pour ce qui est du personnel militaire comme moi, Jared et Francis, de nous intégrer à une nouvelle armée qui est censée récupérer le territoire des États-Unis. Alors, ça vient bouleverser vos plans. Parce que la directive est bien entendu de rester sur place. Pour être récupéré. Avec toutes les milices qui restent dans... Oui, enfin, après, ok, mais nous, on n'est pas militaires. Alors, sûrement, ils vont récupérer... Enfin, ils vont venir récupérer, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire de nous? Ouais, puis encore une fois, hein, par rapport à la dernière fois, hein, tout à l'heure, t'as dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la direction du groupe, l'autre partie du groupe, mais t'es pas la direction du groupe, que je sache, hein, personne t'a élu. Alors nous, on fait ce qu'on veut, et on n'est pas obligé de rester ici si on veut, hein, alors voilà. Ouais. Non mais après, j'entends hein, ce que tu veux dire, mais tu nous dis simplement qu'ils veulent recomposer le peu de militaires qui sont encore viables, réformer une armée, mais nous, on ne sommes pas soldats, donc qu'est-ce qu'ils ont dit sur nous? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous? Ils en ont pas dit énormément. Ce qu'ils ont dit simplement, c'est qu'ils récupéraient les communautés pouvait trouver et qui était dirigé par des militaires. Je demande à Cinda si je peux pas lui parler en privé quelques secondes, genre je lui demande ça discrètement. Même si, enfin, je sais qu'on est sur le toit, donc le terme de privé est... Ouais, très bien. Mais je dis, on peut au moins s'éloigner de quelques mètres ou... Enfin, oui, évidemment. Sans trop que ce soit cramé, tu vois, après ça se verra peut-être un peu, et juste chuchoter vite fait pour se dire des trucs. Ok. Du coup, je vais pas le dire en chuchotant moi, mais on part du principe que mon personnage chuchote un peu. Mm-hmm. Mais ouais, je dis quand même, c'est après avoir fait un petit pas ou deux en arrière, ça les arrange quand même bien que ce soit les seuls à pouvoir lire ce code, non? Et que comme par hasard, ça semble forcer le groupe dans leur position. Certes, mais je sais pas. Je me dis que si c'est vraiment enfin un signe du gouvernement, ça peut faire du bien, mais je sais pas. Ouais. Je suis très indécis sur ce qui se passe. On pourrait peut-être demander à Jared, il avait l'air d'être de notre côté. Peut-être que s'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, on pourra le forcer à nous en dire un peu plus. Une très bonne idée. De même que pour les frères Place, il nous a dit qu'ils avaient envie de partir de leur côté. J'avais quand même bien envie d'aller vérifier cette information auprès d'eux pour être sûr que ce soit pas une manigance quelconque. En soi, on les a connus, les chefs de groupe un peu tyrannique. J'aurais peur que les mêmes choses se reproduisent ici, quitte à faire peut-être un peu de paranoïa. Non, mais la prudence est mère de sûreté, comme on dit. À ce moment-là, bon, tout doucement, je pense qu'on se remet dans le groupe. Comme si de rien n'était. Bon, quoi qu'il en soit, Dwayne, j'entends ce que t'as à dire. Je comprends ce que t'as à dire. Même si mon avis, c'est que ce sera toujours mieux que ce groupe soit sous direction militaire que sous direction de n'importe qui. Et je vais pas vous forcer à faire ce que vous avez pas envie de faire. Tout ce que je dis, c'est que je vous mets au courant de tous les éléments que j'ai. Dans la soirée, je vais faire écouter ça à tout le monde et je vais traduire ça à tout le monde. Considérez juste que vous avez un avant-goût. Vous pourrez réfléchir. Mais j'espère bien avec ça que vous choisirez le camp de la raison. Mais c'est à vous de voir. Voilà. Si vous avez des choses à faire, vous pouvez y aller. Okay. Du coup, j'aimerais quand même pouvoir déjà moi aller voir la petite petit peu, parce que du coup, j'ai pas vu depuis que vraiment je suis rentré, pour savoir si tout va bien. En effet. Et puis après, une fois que j'aurai fait ça, peut-être prendre à part les gens avec qui on était. Que bon, bah mine de rien, on a créé quelque part une équipe et essayer de voir ce qu'ils en pensent un peu à l'écart du patron. Mais ouais. Ok, très bien. Et bien de ton côté, alors attendez, je vérifie ce que je me suis noté. Ok. Alors de ton côté, tout simplement, quand tu rejoins l'intérieur du Cadillo Market, tu trouves très rapidement Cali, qui tout simplement est accompagné de Misha Ashley, qui est donc l'ambulancière, ainsi que de Melrose Place, vendeur en supérette, avec normalement, supérette bio, même si c'est pas sa supérette celle-ci. Voilà, ouais. Qui sont tous les deux à côté. A priori, ce sont ces deux-là qui se sont un peu rapprochés d'elle, le temps au moins que tu sois pas là. Ouais. Et voilà, il y a tous ces Melrose. Lui, il se contente juste d'observer, il est juste à côté, comme ça, et Misha, elle... Elle est en train un peu de discuter les derniers dessins de Cali, ce genre de choses. Ouais, bah du coup, je regarde de loin. Puis si je vois que tout se passe bien et que du coup, je vais peut-être en profiter pour rester sur la lancée de la discussion qu'on a eue et puis prendre à part le groupe avec qui, avec lequel j'étais. Pour discuter de ce qui vient de se passer. Ok. Voilà. Donc je me dirige vers eux. Très bien. Ah ben, je vous laisse en discuter. Est-ce que vu que vous parlez donc de l'équipe que vous avez formée pour cette expédition, est-ce que ça veut dire que vous prenez aussi en compte donc dans cette discussion là Peter Horvath, le boucher, ainsi que Adam Sparrow, le prof en ethnologie, ou pas? Le boucher, on peut le laisser de côté. Le boucher, ouais. Non. Dans tous les cas, moi, je refuse. Hein. C'est ça. Non, l'autre. Le prof, pourquoi pas? Le prof, il a quand même. Je pense qu'il est pour nous important pour la suite des événements si jamais on venait à partir, parce qu'il a. Des connaissances que nous n'avons pas. Mais et après, il a la sagesse avec lui. Moi, je suis bien, okay. Voilà. Du coup, je me dirige vers eux et je leur fais un signe de la tête pour essayer de leur faire comprendre que ce serait bien qu'on en discute. Alors, je sais pas où. Est-ce que mais il n'y a plus personne sur le toit, on peut se retrouver là ou... Vous pouvez vous y retrouver, Langstrom est retourné à l'intérieur avec ses hommes. Ok. Du coup, je fais... écoutez, je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait bien de pouvoir discuter de tout ça un peu à l'écart des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord. Et toi, Dwayne? Non? T'es pas intéressé, Dwayne? Si, complètement. Okay. Bon, bah du coup, on va sur le toit, je suppose. Bah écoutez, moi, personnellement, je suis pas très chaud pour par rapport à ce qui vient de nous exposer. Je pense que il l'a clairement dit, ce pseudo-gouvernement qui s'est reformé est uniquement intéressé pour reformer des troupes militaires afin de sécuriser peut-être des points stratégiques pour eux. Et je pense que nous, on passera au dernier plan, enfin, ils s'en foutent de nous, honnêtement. On est négligeable. Et si on attend ici, personnellement, je pense que ça sera pas intéressant pour nous. Et on sait même pas, ça se trouve, ils vont nous laisser là et puis on devra se débrouiller tout seul au final. Bah oui, parce que regarde, faire l'Alaska jusqu'ici, il faut un avion. pas prendre un hélico. C'est impossible. Il pourra pas prendre tout le monde, ça c'est sûr. Après, on peut tenter le Québec. Après, bon. S'il vous plaît. Après, moi, honnêtement, je trouve ça non plus pas déconnant, en plus sa proposition, enfin, cette histoire d'aller dans un pays au nord, mais par contre, attendre les secours qui viennent comme ça nous sauver, et... enfin, je veux dire, non, ça, j'y crois pas. Alors, pourquoi pas aller très très très au nord, mais dans ce cas-là, bah, y aller par nous-mêmes, hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, j'y crois pas à son histoire d'attendre les secours. Après, maintenant, moi, je suis comme vous, je pense qu'il faut bouger. Après, on... la question, c'est où. Mais ça, on peut voir ça après, quoi. Et vous Je sais pas, ça reste le gouvernement. Je pense pas qu'il nous sacrifierait, enfin, ça n'a aucun sens. On est loin d'être dans un pays parfait, mais on est loin d'être non plus dans une dictature... Je trouve que c'est peut-être un peu... Non, mais... D'autant plus que, vu la situation, je pense qu'il faut être prudent, clairement. Il faut avoir un recul, surtout faire attention, surtout au niveau de manipulation. On en parlait rapidement avec Driver, mais il peut clairement nous mentir que ce message soit totalement créé pour nous faire rester. Ça, par contre, je suis pour qu'on fasse gaffe, mais si jamais c'est vraiment le gouvernement, si jamais il y a vraiment quelque chose... quand même un intérêt, ça reste le gouvernement, ça reste une force militaire, et vu que niveau nombre de personnes en vie, ça reste quand même bah, beaucoup moins qu'avant, ils ont peut-être les moyens de nous gérer, il faut voir ça aussi. Écoute, quand il y avait le gouvernement, il servait à deux choses, nous voler notre argent et mettre des chemtrails dans l'air. Alors si jamais moi je veux pas leur refaire confiance une deuxième fois, et je pense que clairement de toute façon, l'état profond, je lui fais pas confiance. Donc moi, je dis qu'on devrait se débrouiller par nous-mêmes et, je sais pas, faire notre chemin nous-mêmes, nous organiser nous-mêmes, faire notre communauté nous-mêmes, parce que le gouvernement peut rien en attendre. Surtout quand c'est des libéraux. Non, mais après, en l'état actuel des choses, là... Ils nous disent qu'il faut attendre pour qu'ils viennent nous chercher, mais est-ce que clairement ils vont venir avec ouais, il faudrait combien 5-6 hélicos, peut-être plus, pour nous récupérer tous. Honnêtement, je les vois mal faire ça. Peut-être qu'ils vont essayer de récupérer les gens qui sont le plus utiles pour eux. Mais les autres, ils seront laissés sur place et ils nous diront quoi ? On revient vous chercher et puis en fait, on les reverra plus jamais. Mmh. Moi, je le vois plus comme ça, personnellement. Mais... Je pense que... qu'il faut qu'on aille au nord. Par nous-mêmes. Mais pas en Alaska, se trouver un endroit tranquillement, sans qu'il y ait de problème. Oh oui, mais là, on revient à la première solution. Pour revenir au gouvernement, il est même probable, peut-être, qu'il demande de se débarrasser de certains éléments qui pourraient être considérés comme gênants, et ça pourrait expliquer pourquoi, d'un seul coup, les frères Place voudraient partir de leur côté. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à prendre en compte. Le truc, c'est qu'on ne sait pas où est le mensonge et où est la vérité. Et je pense qu'avant de se décider, parce que de toute façon, il va en parler ce soir, donc on va faire quoi ? On va pas partir avant ce soir. Donc le mieux, c'est plutôt qu'on mobilise nos ressources pour comprendre s'il y a une douille. S'il y a une douille, elle est où ? Est-ce que ça vient du gouvernement ? Est-ce que ça vient des militaires ? Et là, on avisera en fonction des informations qu'on a. Mais là, on fait juste des plans sur la comète avec rien du tout. Mmh. Peut-être qu'elle n'existe même pas, cette armée en Alaska. Oui, mais là, on est toujours sur la même chose. On doit chercher justement ces informations. Avec des si, on va partir très loin, mais au final, on se pose pas les bonnes questions, et surtout, on trouve pas comment réagir là, ce soir. Et vous voulez c'est ce soir qu'il va falloir réagir, c'est ce soir qu'on va se décider beaucoup de choses. Donc, ce soir, on pourra pas savoir s'il y a vraiment une armée en Alaska, on n'a pas le temps d'y aller. Donc, faut trouver des informations qu'on peut vérifier ce soir, voir où est-ce qu'il y a eu une anguille, s'il y en a une. Et voilà. Mais son histoire d'armée, c'est pas vérifiable. À moins que... C'est même pas du Morse, leur code, si j'ai bien compris. Donc, même si on avait quelqu'un qui saurait parler le morse, on pourrait pas le déchiffrer. Et je suis même pas sûr qu'il nous donnerait le message codé. Donc moi je dis, faut qu'on aille voir les gens, qu'on réunisse ceux qui veulent partir, on prenne notre part du butin, parce que bon, on va quand même, je pense, enfin, on va pas laisser crever ceux qui veulent rester. Mais quand même, hein, je veux dire, voilà. Et puis on bouge. On bouge où vous voulez dans un premier temps. On voit où est-ce qu'on peut bouger, mais franchement, Stéphane, on se prépare au voyage, parce que rester ici, pour moi, c'est pas une bonne idée. Si jamais j'ai... On parle d'une journée, hein. Voir si le code est bidon ou pas. Mais c'est un peu compliqué, et ça nous demande ouvertement de dire qu'on les soupçonne de mentir là-dessus. Et on peut prendre des risques. Alors, surtout, en fait, je comprends pas, c'est pourquoi partir là dans 2 heures, alors qu'on peut partir demain. Non, prenons le temps de sonder les gens, prenons le temps de leur parler. Pourquoi réunir les gens, partir d'un coup, alors qu'on peut juste parler, voir s'il y a du lard, voir s'il y a du cochon, voir si le gouvernement a vraiment dit quelque chose ou pas, et prendre des risques, certes, mais au pire, ils vont faire quoi? Ils vont nous virer, on part demain. Et comme dit, moi, j'ai une idée pour savoir si le code est bidon ou pas. Mais c'est quoi ton idée? De diviser les militaires en 2 groupes au minimum, et on amène la radio à chacun d'entre eux, et on leur demande en direct de nous traduire ce qu'ils entendent, sans que les groupes puissent entendre ce que va traduire l'autre. Et si jamais c'est réel, ils vont nous donner la même traduction, tandis que si jamais c'est bidon, ils auront sans doute pas répété un texte au mot près au préalable, et il y aura forcément des moments ou des passages qui seront pas les mêmes en fonction des versions. Mais comment D'accord. vous voulez qu'on récupère la radio? Bah, c'est pour ça que ça nous demande de les comment dire, les directement les confronter. Bon, c'est pas une vérifiable sans qu'on leur fasse comprendre qu'on a des doutes sur eux et qu'il y a une espèce de complot entre gros guillemets. Honnêtement, ça me dérange pas de les confronter. Autant être honnête, leur dire qu'on a des doutes. Et de que... et de refuser les gens avant de partir. Prendre un moyen de le vérifier aussi. Moi, je suis bibliothécaire. Si c'est du morse, je peux aller récupérer un livre à la bibliothèque qui est pas très loin. C'est un code militaire, ouais. D'après eux. Bah, c'est ouais. des morses. Non, non, ils ont dit c'est un code militaire que seuls les militaires peuvent savoir. Hmm. Ah, c'est militaire, alors hmm. Moi, je vous dis. Hein. C'est mieux les bouquins que les armes. C'est comme s'ils nous avaient dit ta gueule, c'est magique, quoi. Oui. Non, pour moi, en même temps, ce serait un peu triste que le seul code qu'ils connaissent soit le morse, parce qu'au niveau du secret, ce serait pas terrible. Personne ne le saura. Ouais, il suffit que quelqu'un récupère les ondes de radio aussi. Mais non, moi, mais... ils sont pas aussi en lien avec les autres milices, parce qu'il n'y a pas que eux comme militaires, je pense, dans tout Miami. Ouais, bah écoute, on va attendre ce soir et puis on verra bien ce qu'il en est. Mais c'est vrai que j'ai pas super confiance et même si c'était vrai pour ce gouvernement, j'avoue que. Bah, je pense qu'il y a, il y a des priorités et nous ne faisons pas partie des priorités du gouvernement. C'est bien dommage s'ils veulent refaire les États-Unis sans bah ouais, mais d'abord ils veulent s'assurer d'une puissance de feu et militaire pour asseoir une certaine force. Là où ils veulent rétablir l'ordre. Mais il faudrait qu'ils le fassent assez rapidement, parce que vous savez quand même qu'il y a beaucoup de centrales nucléaires aux États-Unis. C'est qui les gère? Alors ça, on sait rien. C'est... Le problème, c'est ça, c'est que on va avoir des graves problèmes bientôt. Oui, enfin, après, personnellement, c'est pas moi qui vais les aider avec les centrales nucléaires. Au pire, je tiendrai la supérette, mais c'est tout. Voilà. Mais oui. Mais écoutez, d'accord avec vous. Moi, je suis partant pour les idées des deux filles. sais pas toi, et Dwayne, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis l'idée des deux filles, pour voir si c'est vrai ou pas. Allons-y, de toute façon, faut bien faire quelque chose. Bon, bah, écoutez, moi je vous laisse, je vais voir Callie. Très bien. Moi je reste sur le toit et. Extérieur et. Des trucs en livre. Ok. Les autres, que faites-vous? Moi j'irais bien discuter du coup avec Jared et Cinda. Enfin, je pense d'ailleurs, puisque je laisserai Cinda discuter avec Jared en restant un petit peu en retrait. Mm-hmm. Si évidemment elle est d'accord. Ben moi j'aimerais redescendre. Et puis j'aimerais faire une petite annonce aux gens et demander s'il y en a qui veulent venir bricoler avec moi sur mon pick-up, voir si tout va bien depuis la sortie et tout. Ok. Faire un check-up. Et je propose à tout le monde et tout, je sais pas. Limite à le crier, genre, est-ce que quelqu'un veut venir me filer un coup de main sur mon pick-up? Ok, et eh bien à ta demande, tout simplement, il y a Cillian Fenici, que tu peux voir dans les salons, donc qui est le pizzaiolo de 42 ans, qui se propose. Il est. Souvent, il dit oui, moi bon, j'ai quelques bases, j'en réparais. Enfin, j'ai essayé de remettre ma moto sur pied avant que ça arrive, donc je peux aider. Bon, bah super! Du coup, il t'accompagne jusque là-bas. Voilà. Tu remarques que bon, il y a toujours Langstrom dans un coin de la pièce qui a un petit air un peu pas content quand il voit quelqu'un quitter l'enceinte du Cadillo Marquez, même juste pour aller devant et bisouiller la bagnole. Hein, mais il y a toujours ce regard-là. Mais il dit rien. Vous avez gagné une place un peu de VIP depuis que vous avez ramené des choses. Voilà. De ton côté, Ed, donc tu rejoins Callie qui est toujours avec Misha et Monsieur Melrose Place. Donc ils sont à côté, ils discutent. Depuis le temps, a priori, Melrose est aussi en train de discuter des dessins. Il essaye d'être sympa. Donc on a rien qu'en approchant, avant même de lui adresser la parole, soit tu vois qu'il a du mal avec les enfants, genre il sait pas comment. Tu vois directement qu'il sait pas comment agir à côté d'un enfant, mais qu'il essaye d'être sympa, même s'il lui parle un peu comme à une débile. Mais voilà. Ah bah y a pas d'âge pour apprendre à agir avec les enfants, quoi. Enfin, s'habituer. Donc je peux le comprendre moi-même, j'ai jamais eu d'enfant, elle est devenue mon enfant pas obligation, mais genre, voilà, c'est la force des choses qui a fait que c'est le destin nous a réunis. Donc, mais avant c'est sûr que j'étais pas, enfin, surtout avec la vie que j'ai eue, hein, c'est un petit peu compliqué pour les enfants, donc voilà. Je peux comprendre. Mais ça fait plaisir de voir qu'elle sociabilise. Parce que je ne veux pas être l'unique personne avec qui elle entretienne des relations sociales. C'est bien. À son âge, elle a besoin de parler avec du monde. Donc je suis content. Pas génial. Pendant ce temps, bon, je vais pas trop m'attarder sur toi, Alexios, vu que tu restes juste sur le toit avec tes bouquins, donc bon, voilà. Et de votre côté, donc, Driver et Cinda, vous approchez donc de Monsieur Jared Ross, le militaire le plus sympathique à votre avis, si j'ai bien compris. De ce qui nous semblait, en effet, ça avait l'air d'être le plus compréhensif. Voilà. vous approchez et lui directement est à côté de son collègue Birkin, l'autre militaire, avec qui vous n'avez pas trop échangé jusqu'à présent. Et ils sont directement tout simplement en train de déposer, de vider vos sacs et de les déposer vraiment de manière organisée, de commencer à faire un inventaire avec du papier, etc. à noter pour être sûr de tout ce qu'il y a et tout ce qu'il n'y a pas. On pourrait peut-être se proposer de les aider et ainsi diviser la tâche et que du coup l'autre, donc Francis, c'est ça, retourne faire autre part et lui parler. Ouais. Ou alors on attend qu'ils aient fini et on essaie d'obtenir une entrevue en tête à tête. On peut proposer de l'aide et voir si ça marche. Okay. Okay. Du coup, en effet, on va essayer donc de trouver un moment où, par exemple, du coup, l'autre militaire serait debout, prendrait une micro-pause pour venir et lui dire « Non, mais on va terminer ça, on va s'occuper du reste, vous avez beaucoup à faire, ne vous inquiétez pas. » Mais on va voir si ça passe. Hein. Ok. Je sais que je suis quelqu'un d'assez persuasif quand je veux. Ouais. Et bien justement, on va faire un petit jet, du coup, comme ça, ça sert à quelque chose de faire des jets. Et juste profitant donc du petit moment de faiblesse d'un des deux pour dire « Ouais, on prend la suite », vous me faites un petit jet de pouvoir, toutes les deux. Dans l'idée, évidemment, de rester isolé avec Jared. Ouais. Bien, j'ai fait 70 et je suis bonne en pouvoir. Ok. Je le note quand même dans le chat au cas où. J'ai fait 57 et je suis très mauvais en pouvoir. Merde, on aurait dû échanger. Ok, très bien. Bon, du coup, vous proposez au moment où Birkin commence à se plaindre un peu de pas comprendre ce qui est marqué sur cette putain d'étiquette parce qu'elle est dégueulasse et en plus il a jamais eu de formation pour les trucs donc il sait pas à quoi ça sert. Vous profitez de ce moment là pour vous proposer, ce à quoi Birkin lui-même répond déjà avec un regard assez inquisiteur. Il cherche à vous juger a priori, mais Jared lui de son côté tout simplement lui fait oui bah oui vous pouvez venir nous aider. De toute manière, avec la tête d'enclume qu'on a ici, on va pas avancer. Va te reposer, toi. Birkin lui balance un petit gros con, quoi, et il se barre. Et tout simplement, vous rejoignez donc Jared à la table pour commencer à lister les médicaments et à quoi ils servent. Maintenant, faut trouver une manière d'aborder le sujet. Ouais. Dis-moi, en fait, entre deux boîtes, est-ce que vous serez en train de nous mentir? Je pense qu'on va quand même au début l'aider normalement pendant quelques minutes, parce que si t'arrives et que direct tu parles du truc, il... Totalement. Faut que ça vienne, faut qu'il y ait une petite discussion d'abord, faut laisser un peu... C'est un peu naturel, et puis qu'il ait quand même un peu l'impression qu'on a envie de l'aider, quoi. Très bien. Du coup, il y a ce petit moment de silence, hein, où vous commencez vraiment à faire un peu le boulot pour montrer que vous voulez bosser. C'est flottant. Et, et en réalité, lui-même lance la discussion, et en vous disant simplement « Ah, ça a l'air d'avoir été une sacrée aventure, ce que vous avez vu dehors. » Ouais, c'est sûr, oui. Non, c'est pour ça, on est content qu'il y ait quelques bonnes nouvelles, dis-je, du coup, d'un ton assez bas. Du coup, on est d'accord, les gens peuvent pas nous entendre autour. Enfin, oui, non, il y a un peu tout le monde qui discute entre eux, ouais. De toute manière, dans chaque coin. J'interromps deux secondes pour poser une question au MJ, parce que j'ai pas noté cette info. On est parti combien de temps environ? Quand on est parti à l'hôpital et qu'on est revenu. Environ. Hein. Oh, vous êtes sorti à peine une demi-journée, je dirais. Peut-être même moins. C'est juste pour voir si c'était... Enfin... Si ça paraissait cohérent qu'ils puissent recevoir un message et prendre le temps de décoder, mais une demi-journée, ça va. Tu vois, alors on serait parti 2-3 heures, ça serait quand même assez pile comme il faut. Mm-hmm. Mais ok. Ouais, je dirais qu'au minimum, vraiment, si on voit au petit minimum, parce que j'avoue que j'ai pas pris en compte la temporalité pour cette mission, on doit être à minimum 4 heures, et après ça va au-dessus. Ok, merci. Ouais, 4, 5, 6 heures, je dirais, max. 4, 5, je dirais. 4, 5. Voilà. Très bien, donc... tout simplement, il continue la discussion et il vous dit... Langstrom nous a dit vite fait ce que vous lui avez raconté sur le toit. Vous avez vu absolument personne ? Personne qui aurait pu faire... qui aurait pu faire ça ? Non. Pas une âme qui vive. Ça me paraît bizarre. Il en faut des explosifs pour faire autant de bruit. Bah ouais, c'est ça qui fait un peu peur au fait de rester sur place encore plus maintenant. Ok, il y a des bonnes nouvelles, mais... je veux dire, s'ils sont capables de passer autant d'explosifs, c'est quand même très proche de là où on est, quoi. Ouais, ça peut être inquiétant, c'est vrai. Chaque fois, je te regarde un peu en mode « Trouve une idée pour s'enchérir. On a la faille !» Non, moi, pour l'instant, j'écoute et je... Très bien. Je regarde Cinda, est-ce qu'elle est en mode vas-y, lâche le morceau ou pas, parce que... Ah, je t'avoue que Cinda, là... Enfin, Cinda, comme moi, de toute façon, comme je... Là, c'est vraiment... J'ai pas d'idée pour relancer sans que ça se voit que j'insiste trop dessus, tu vois. Donc je te regarde un peu en mode, si t'as une idée, c'est le moment, mais... Sinon, tant pis, on peut laisser recouler et revenir dessus après, tu vois. Je peux faire un G. Ouais. Vas-y. Ok. Dites-moi, Jared. Mm-hmm. Vous n'oseriez pas nous mentir par hasard. Enfin, vous n'oseriez pas nous mentir. C'est pas dans votre nature. Oula, je crois qu'on se connaît pas encore assez pour aller dans des questions aussi intimes sur notre relation. Non, c'est horrible, il a encore détourné le sujet. C'est-à-dire, si tu relances encore sur la radio, c'est vraiment le forcing. C'est horrible. Putain, mais en fait, il est trop fort. C'est un maître manipulateur, Jared. Il dévie les questions gênantes, mais avec une aisance. Vous êtes où exactement? Vous êtes vraiment dans un coin ou vous êtes visible quelque part? Dans le coin, en train de trier les trucs sur la table. Dites-moi, ouais, ils sont... Attends, je donne juste plus d'informations à Ed. En fait, du coup, le Casio Market, c'est juste une seule pièce plus les toilettes, enfin la salle, les toilettes. Et du coup, en vrai, rien sépare absolument personne à l'intérieur de tout le Casio Market. Il y a juste certains rayons qui ont été disposés de manière à faire un peu quelques chambres, possiblement, et quoi que ce soit. Mais ils sont entre les rayons, quoi, tout le monde est visible. Ouais, donc en gros, moi, par exemple, si je peux très bien arriver comme ça, débouler dans la discussion, ouais. Ok. Exactement. Parce que c'est ce que je vais faire. Parce que j'arrive quand même à voir que je pense que le... Alors après, je sais pas si vous estimez que vos personnages vont agir de la même manière que vous agissez actuellement, c'est-à-dire gêner et visiblement physiquement gêné, où ça se voit, ou alors c'est juste vous, qui, les joueurs et joueuses qui êtes comme ça, mais vos personnages ne le sont pas. Parce qu'auquel cas, si vous êtes physiquement, si ça se voit que vous êtes un petit peu en mode vous savez pas trop comment amener les choses, et que j'imagine bien que en ayant discuté de ça avec vous, je peux imaginer un peu. Enfin, supputer sur les choses que vous êtes en train de faire, moi je pourrais très bien arriver et tout à fait mettre les pieds dans le plat. J'avais une dernière technique à tenter. Dites-moi, ça vous dérangerait par hasard de faire une retranscription exacte mot par mot de du message? Oui, chef. Arrosor. Non, vous voyez qu'il s'arrête dans ses mouvements et est en train de lire un peu aussi en même temps que tu lui parlais une des étiquettes pour essayer de trouver à quoi servait du Forotraxon. Et il s'arrête un peu dans son mouvement, il tourne un peu la tête vers toi avec un air un peu intrigué et il dit pour quelle raison ? C'est le moment où j'arrive, moi. Ouais, à ce moment-là, visiblement, il y a la Deus Ex. Il y a une ombre qui commence à se poser sur Jared. Sinon, je n'allais pas vraiment dire oh, comme ça, par curiosité. Ouais, on peut considérer que tu apparais, Ed, si tu le souhaites. Oui, non, mais c'est le moment où j'arrive. Très bien. Comment ça va, Jared ? Ah, bah oui, bah bien. Et toi ? Ouais, bah, ma foi, ça va plutôt bien. Bon, je pense qu'on a plutôt bien géré tout à l'heure avec l'hôpital. On a eu de la chance aussi. Oui, c'est sûr. Pas de morsure à signaler que vous auriez caché ? Non, jusqu'à présent, je pense que on a fait ce qu'il fallait. On a eu un peu chaud aux fesses, hein, ça. Mm-hmm. On a peut-être roussi les sourcils, comme on dit, mais. Mais sinon, ça va. Dis-moi, je sais pas si c'était ce dont vous parliez tous ensemble, mais tout à l'heure, j'accentue sur le patron. Nous a parlé un petit peu du message que vous avez reçu et qu'il allait en parler ce soir à la groupe. Ouais. Alors... Moi, je te dis personnellement, c'est mon avis personnel. Hein. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je te dis ça à toi parce que je te dis honnêtement, du groupe des militaires, tu es celui que j'apprécie le plus et je pense être le plus honnête des trois. Ça, vous êtes trois. Hein. Mm-hmm. Voilà. Je trouve que ce message tombe à pic, en fait. Parce que on a eu cette discussion la veille sur le fait de ce que voulait le groupe et si on décidait de partir ou d'essayer de détendre un peu notre zone de recherche. Et aujourd'hui, à peine quelques heures après qu'on ait eu cette discussion, on tombe sur ce message que nous sommes tous incapables de déchiffrer, seul vous, hein, puisque vous avez des codes militaires, qui nous dit qu'il faut rester sur place, ne pas bouger et attendre des secours qui viendraient pour tous nous récupérer. Alors, on se connaît à peine, mais je veux bien un peu te faire confiance, mais je trouve que c'est un peu trop. Enfin, c'est vraiment une coïncidence assez incroyable. Ouais, on se croirait dans une fiction même. C'est ça. Donc après, est-ce que tu peux comprendre. En parlant de fiction, est-ce que tu peux me faire un jet de pouvoir, s'il te plaît ? Ouais. Ok, et t'as fait 55, c'est ça ? Ouais, donc moyen quoi. Bon, tu vois que là, il se tourne entièrement vers toi, hein, il délaisse complètement la table avec les machins. Et tu vois qu'il se redresse un peu, pas de manière menaçante ou quoi que ce soit, hein, mais juste il se redresse pour se présenter, enfin pour se présenter physiquement quoi. Et souvent, il dit bah écoute, c'est peut-être, ça tombe peut-être à pic pour. D'après vous, de votre point de vue, vu que c'est seulement hier que vous avez tourné en question par rapport à tout ce qu'il y a, mais nous, on est dans cette optique depuis le début, depuis avant même que vous rejoigniez le groupe. Nous, quand on a commencé à fonder ce groupe de survivants, on était déjà dans l'idée d'attendre quoi que ce soit. C'est pas que ça tombe à pic, c'est juste une confirmation de ce qu'on sait depuis le début. Les directives qu'il y avait au moment où tout s'est effondré. Ouais, c'est normal mais... que je dois confirmer si c'est directif. Oui, mais que ce message arrive juste après qu'on ait fait cette réunion et qu'on ait mis, en gros, qu'on ait mis à jour le fait que une grande majorité des gens sont d'accord sur le fait que on puisse envisager de partir et d'essayer de détendre notre zone de recherche. Bah, je trouve ça un peu incroyable, quoi. Après, ouais. que vous ayez eu dans l'idée de rester sur place et d'attendre qu'un jour viennent des secours, ça, je le conçois. Mais que ça tombe pile poil juste après qu'on ait eu cette réunion et qu'on ait été d'accord quasiment dans majorité pour le fait qu'on change de modèle, tu pourras quand même être d'accord avec moi que c'est quand même assez incroyable. Ouais. Non, mais oui, je comprends. Je comprends, vous nous faites pas confiance, quoi. Et d'ailleurs, j'ai plus trop le message en tête, mais c'était quoi exactement le message? C'était quoi la directive? Exactement, je suis désolé, je sais bien lire des trucs de médicaments, mais je me souviens pas exactement tout ce qui a été dit. Je sais juste ce qui a été dit. Gouvernement, Alaska, et ils sont censés venir nous rechercher. Voilà. Ils veulent récupérer le territoire. Ok. Écoute, je pense que... on verra bien ce qui va se passer ce soir quand le patron fera son petit discours, mais sache qu'il est fort probable que certaines personnes ne vous prennent pas au sérieux et que le message soit peut-être mal interprété. Je tiens à te mettre au courant de ça. Ouais. T'es venu nous aider pour les médicaments aussi? De quoi? T'es venu nous aider pour les médicaments aussi? Mais j'arrive dans la discussion, donc je ne sais pas de quoi vous avez parlé avant, mais écoute... Juste besoin d'aide pour trier les médicaments et quels sont leurs effets, et ainsi de suite. Écoute, j'ai pas trop de connaissances là-dessus, mais je sais lire déjà, c'est déjà pas mal. Donc au pire, je peux aider, bien sûr. Très bien. Bon, du coup, je vais vous laisser de côté, je vais m'intéresser de nouveau à Dwayne. Alors Dwayne, toi donc qui es sorti avec Cillian dehors pour t'occuper de ton véhicule, ça fait un petit moment maintenant que tu bidouilles et que lui il est en train de t'assister un peu. A priori, il n'y a pas eu trop de dégâts sur ton véhicule ou quoi que ce soit, même il n'y a rien eu en réalité comme dégâts. Donc tu bidouilles un peu juste pour le garder en état, pour être sûr que tout va bien. Tu vois que Cillian, de son côté, c'est pas un grand bavard. C'est quelqu'un, on va dire, que il est débrouillard, ça se remarque. Hein. Mais bon, par contre, pour ce qui est de discuter... il y a peut-être un peu de mal à lancer les discussions avec des gens qu'il connaît pas. Enfin, qu'il connaît pas plus que ça, en tout cas. Donc c'est très silencieux comme moment. Donc je sais pas si toi, de ton côté, tu essayes d'engager des discussions ou pas. Bah oui, totalement. Mm-hmm. Début, ça va être... je lui ai demandé... c'est pas vraiment des discussions. Au début, c'est des petites phrases vers... Tu peux vérifier le vilebrequin, s'il te plaît, ce genre de truc. Et puis au fur et à mesure, je sais pas, poser des questions donc sur son commerce, surtout, sur ce qu'il faisait avant. Et puis voilà. Donc, Ok. Plutôt de parler de nous-mêmes, quoi. Ok. Bah, tu vois tout simplement qu'une fois que tu le lances, en réalité, une fois que tu as brisé la glace, il sait parler. Tout simplement, et il te dit assez rapidement. Que ouais, j'étais pizzaïolo. Avant, je faisais d'autres trucs, mais ça s'est mal passé avec mon employeur, du coup, je faisais juste pizzaïolo. C'était même pas moi le patron de la pizzaïolo-yoloterie, donc. C'était pas incroyable, mais ouais, et puis. C'est le ce qui est arrivé et juste j'ai croisé Bob simplement en allant chercher mes affaires chez moi pour pouvoir partir et tout. J'ai décidé de le garder avec moi tout simplement. Voilà. C'est génial ça quand même, n'empêche que d'avoir un peu d'humanité dans ces moments si difficiles. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. Ouais, bah je sais pas, je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi, ça m'a juste semblé naturel. C'était les premiers instants, tu sais, c'est quand tout commençait à partir dans le chaos. Je me suis juste dit, voilà un vieux, il a besoin d'aide, je vais l'aider. Au final, on s'est retrouvé enfermé dans le même placard pendant que des trucs nous couraient après, donc on est resté après. Tu sais, il y a des gens qui faisaient preuve d'encore moins de solidarité, mais avant, même avant que tout ça se... arrive, enfin bref. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, toutes ces disputes au sujet de si on devrait sortir, si on devrait s'en aller, rester? Qu'est-ce que t'en penses? Oh. Je t'avoue que j'ai pas trop d'idées. Je suis arrivé il y a pas si longtemps que ça. Je crois que je suis arrivé à peine 3 jours avant vous, peut-être. Seulement, donc. Pas trop au courant de quelles sont vraiment les grandes discussions, mis à part ce qu'on a discuté les jours précédents. Moi, je suis pour que tous les groupes restent ensemble, c'est tout. Après, sortir, rentrer, faire ce qu'ils veulent, je m'en fiche, ils décideront. Mais pour moi, il faut qu'on reste ensemble, c'est tout. Enfin, pour moi et pour Bob, surtout. Bob a besoin de gens. Bon, il n'est pas non plus complètement handicapé. Non, mais c'est-à-dire que il court à la même vitesse qu'eux, quoi, pour ainsi dire. Effectivement. Mais tu vois, typiquement, moi je pense que la vie de Bob est en danger dans un milieu ultra-urbain comme ici. Je pense que justement, c'est ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est soit de voir débarquer une bande de pillards qui vont tous nous descendre en à peine 3-4 coups de calache. Ou alors de voir, qu'on se fasse tous encercler d'un coup par ces choses. Et là, c'est sûr que... soit on va tous mourir, soit ceux qui vont réussir à s'échapper par les toits ou que sais-je, ou si jamais il y a cette possibilité, enfin... personne ne va prendre la peine d'installer une tyrolienne pour installer un fauteuil dessus pour transporter Bob, tu vois ce que je veux dire? Bob, il est en danger ici. On est tous en danger ici, moi c'est ce que je pense. Ouais, je suis d'accord, je t'avoue que j'y ai pensé aussi. C'est sûr qu'on en a qui passent dans la rue tous les jours de ces trucs. Mais, je sais pas, on a les militaires, et les militaires c'est fait pour protéger les gens, ils sont entraînés pour ça depuis longtemps. Oui, mais on a 3 militaires, hein, et on est combien? On est une dizaine. Allez... Franchement, j'ai vu des meilleurs ratios, et puis, comment dire, de toute façon, des militaires face à une horde de zombies, les M19 et les Glock 19, au bout d'un moment, ils se vident, et là, on est bien dans la merde. Donc, autant éviter de gaspiller des balles, et bouger. Enfin, c'est mon avis, hein, bien sûr. Du coup, toi, t'es d'avis de relocaliser tout le monde hors de la ville, c'est ça? Je pense qu'on serait déjà plus en sécurité dans un premier temps, dans un endroit un peu plus isolé, à la campagne. Il n'y a pas tous ces gens, enfin, je veux dire, c'est Miami, quoi. C'est des millions, tous ces touristes, le spring break, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui... Ça pullule, enfin... Ouais. Ouais. C'est la mort certaine à un bout d'un moment ou un autre, ça me fait trop peur. Bah, je suis d'accord. Du coup, toi, t'as une idée d'où on devrait aller? Juste à la campagne en Floride, juste plus loin? Que je t'avoue que je connais pas trop les États-Unis. On va dire que j'étais arrivé là il y a à peine 5 ans et j'ai pas trop voyagé depuis. Bah, honnêtement, moi, ce que je verrais bien, c'est. C'est le coin que je connais, où j'avais mon garage. C'est plutôt isolé. C'est la frontière entre la Floride et l'Alabama, la Géorgie. C'est pas très loin. C'est ce genre de zone un peu délaissée, genre de truc. Mais je pense que il y en a même qui parlent d'aller encore plus au nord. Et moi, je pense que ça se discute en même temps. Ouais, ça pourrait être sympa. T'as une maison là-bas, donc, tu me dis? Ouais. J'avais un garage. Un garage? Tu penses que ce serait tenable, un garage? Ton garage? Ouais, c'est solide. C'est solide, non, un garage, c'est fait pour les voitures et tout ça. Bien sûr. Maintenant, n'importe quel bâtiment, ça peut se tenir. Hein. Mais c'est sûr que un supermarché avec des grandes baies vitrées partout... Ouais, ça c'est pas possible. Voilà. Alors que, par contre, oui, c'est sûr que mon garage, c'est juste de la brique, une pauvre fenêtre et une porte en tôle, quoi. Donc, oui, si tu veux le défoncer, il va falloir y aller. Il suffit de barricader la fenêtre. Et encore, moi je suis pas une. C'est pas du double vitrage, hein, moi, tu sais, parce que je peux te dire qu'on a beau être en hiver, on a des. Enfin, pardon, en Floride, on a des sacrés hivers, hein. Donc, comment dire, ouais, franchement, chez moi, ça serait tenable, mais comme je pense que ça se discute, il faut voir tout ce qui peut être fait, ouais. Tu vois. Bon, mais c'est sûr que chez moi, c'est vraiment, ouais, tu me passes un poste à souder, deux, trois tôles, et puis je te fais une forteresse. Bah en tout cas, je suis partant pour ça. Juste, il faut qu'il y ait du monde. Je peux pas me permettre juste de partir. Toi, moi et Bob, ça va pas être possible, quoi. J'apprécierais qu'il y ait tout le monde. Ouais, je comprends tout à fait. Bon. Tu veux me passer la clé qui attend? Ouais, tiens. Merci. Très bien. Bon. On va se servir de ça comme une transition. C'est au passage au moment où il passe la clé, il y a l'écran qui... Très bien. Et on va s'attarder un peu sur Alexios, qui est en train de s'occuper de ses bouquins sur le toit, comme un homme solitaire et sombre. T'es donc sur ton toit et t'es rejoint au bout d'un moment par quelqu'un... Pour l'instant, tu ne lèves pas trop le regard. Tu es occupé à regarder tes bouquins. Tu as des moments à lever les yeux vers la longue colonne de fumée qui vient du quartier que vous aviez quitté. Qui ne s'arrête pas, d'ailleurs. Hein. Tu es quasiment certain que, plus que des explosions, maintenant, il y a un incendie qui se répand dans le quartier. Et tu es rejoint, donc, par Archibald Place. Donc le fameux chef de file du second groupe, celui qui voulait faire lui-même l'inventaire de ce que vous avez ramené avant que les militaires y touchent, mais qui n'a pas pu. Mmh. Oui. Il te rejoint simplement et il fait genre qu'il est juste là pour fumer une cigarette. Il jette quelques petits coups d'œil pendant qu'il fume. Je sais pas si tu lui adresses la parole pendant ce temps-là. Tu veux quoi? Tu vois qu'il a la même réaction exactement que moi, c'est qu'il a un petit rire, genre vraiment de... Il va au culot, le gars. Et il se tourne vers toi, tout simplement, en sortant la cigarette de ses lèvres. Il dit rien de particulier, juste discuter. Mmh. Tu connais la ville, non? Oui. Je sais qu'on n'a rien à y foutre ici. Ouais, c'est sûr, mais... Moi, ce dont je voulais te parler, c'est... D'après toi, c'est par où pour partir le plus vite et en ayant le moins d'obstacles? Bah, tu prends un bateau sur Miami et tu te barres sur Cuba. Peut-être que tu trouveras aucun obstacle en attendant. On n'a pas de navigateur avec nous, on aimerait éviter de se perdre. Ah, ça, c'est sûr. Mais sinon, vous allez à la pointe de la Floride, vous prenez un bateau, et vous allez tout droit. Enfin, non, pas de bateau. Bah, vous pourrez essayer de passer par un... pour aller jusqu'en Alaska, voire même au Québec. Bon, ça, c'est le plan à long terme. Ça, on verra. Mais pour sortir de la ville, ça va être compliqué. Si, déjà, il faudra peut-être mieux sortir de la ville à pied qu'en voiture. Parce que si vous comptez passer par les périphériques, c'est bondé. Mais vous ferez pas les feux dans les rues qui sont ici actuellement, vu que c'est en feu là-bas. Il y a des milices qui traînent partout et qu'il y a des rôdeurs partout. Moi, je vous conseille d'attendre que ça se calme avant de partir, d'après ce que je comprends. Mmh. Du coup, laisse-moi juste récapituler ce que je sais à propos de toi. A priori, tu nous dis, ou en tout cas, tu as l'air d'être dans le camp des gens qui veulent dégager. Qui veulent dégager tout le monde, ils veulent que tout le monde bouge. J'ai bien compris ça. Oui. Et maintenant que je te parle de bouger, tu me dis il vaut mieux pas bouger parce qu'il y a des milices dans les rues. Pour même, même point que tu as utilisé pour justifier le fait qu'on devait dégager. Oui, alors, moi j'explique ça juste pour aujourd'hui. Si vous voulez vous barrer aujourd'hui, ben allez-y. Moi je viendrai pas vous chercher si jamais il y a un souci. C'est trop dangereux pour aujourd'hui, vu qu'il y a eu des bombes qui ont explosé partout. Attendez demain, vous verrez. Faut que ça se calme. Pour partir. Mais comme ce que je vous ai dit, prenez pas de voiture. Mais faites ce que vous voulez. D'accord. Et pourquoi vous voulez compter les médicaments qu'on a ramenés pour tout le groupe? Quand je dis bien tout le groupe, c'est tout le monde. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on fait partie de tout le groupe, mais c'est peut-être pas le cas ce soir. C'est peut-être pas le cas demain. Et on va prendre notre part. Mmh. Oui, mais est-ce qu'il y a eu un membre de votre groupe qui est venu avec nous? Donc c'est pas pour tout le groupe. C'est pour qui suivra Monsieur Mussolini, là, en dessous? Non, parce que moi, je le suivrai pas à lui. Mais pourquoi vous vous barrez sans que vous ayez apporté de l'aide aux gens qui le méritent? Par exemple, les personnes qui sont en difficulté? C'est ça la question. Vous pensez savoir me connaître, mais vous me connaissez pas. Moi, je donne le médicament à tout le monde, mais si vous vous barrez avec la moitié des médicaments, ce que nous, on a fait, ça ne servira à rien. Mais qui me dit que vous êtes pas faites pas partie des milices qui sont à l'extérieur et que vous récupérez juste les médicaments pour leur donner? C'est des grosses accusations que tu fais là. Tu sais, moi je passe mon temps dehors, donc les milices se grossissent, donc je me demande s'il n'y a pas certaines milices qui ont besoin aussi de médicaments. C'est pour ça que je te dis de partir à pied demain matin, comme ça tout se calmera. Mais prenez pas autant de médicaments que vous n'en avez pas besoin, si jamais vous voulez en prendre. Même si vous ne nous avez pas du tout aidé sur ce coup-là. Parce que d'après ce que j'ai compris, hier, vous avez même pas levé la main pour venir nous aider à l'hôpital. Et vous n'avez pas eu le courage de venir nous aider. Donc est-ce que vous aurez le courage de quitter et d'aller dans les rues? Par contre, moi, je sais que mon équipe a le courage de sortir. Je peux compter sur eux. Est-ce que on pourra compter sur vous si jamais on a besoin de votre aide? Pas si tu continues à me parler comme ça. Mais on verra ça ce soir. Mmh. Et il quitte le toit directement. A priori, il n'apprécie pas la tournure que la discussion a pris. J'essaie de l'entuber. Il me casse les couilles. Je le sens pas, moi. Ce mec-là, je le sens pas. Très bien. Du côté de Ed, je ne sais pas exactement ce que tu fais de plus, vu que tu m'avais juste dit que tu rejoignais Kali, je ne sais pas si tu as des plans. Non, après, voilà, c'est plus un papa avec sa fille, quoi. Les médicaments. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait, oui, il y avait les médicaments. Il était au prix des médicaments. Ouais. Évidemment, il était avec vous, j'avais oublié, bien joué. Bien, même c'est... moi, j'avais oublié. Bien joué. Ce prochain G pour Cinda. Merci pour ce bonus. Ça me permet de dire officiellement en session que c'est ma 300e session depuis 5 ans. Donc merci à tous. Bisous. GG. Yes. Et pour ça, je t'offre un Doliprane que j'ai trouvé dans la liste des médicaments qui étaient présents. Merci. Yes. Par contre, comme on est aux États-Unis, il y a pas la sécu, tu me dois $50. Très bien. 45, vu que c'est ta 300e session. Très bien. Bon, bah du coup, vous en dessous, vous êtes toujours en train de régler, enfin de faire votre liste de médicaments. Vous arrivez sur la fin. Et vous êtes rejoint assez rapidement, en réalité, par Melrose Place. Alors, pas celui donc qui vient de faire chier Alexios, mais son frère. Celui qui traînait aussi avec Kali quand vous êtes revenu. Qui s'occupait de lui, enfin d'elle. Et il vous rejoint tout simplement, et sans même vous parler de quoi que ce soit, lui aussi, il s'attable à la table et il commence à regarder les médicaments et à les lister sur les papiers que vous avez. Je sais pas si vous dites quelque chose au fait qu'il rejoigne ou quoi que ce soit. Moi, je me rends juste un merci pour le coup de main, pour voir un peu si ça réagit ou s'il travaille. Mmh. Bah, tu vois tout simplement qu'il lève pas le regard vers toi, mais il dit tout simplement de rien, faut se serrer les coudes en ce moment. Du coup, on peut compter sur vous pour la prochaine sortie. Prochaine sortie, a priori, on est censé déménager, non? Je sais pas. Ce serait bien de. Avant de déménager, de faire une petite sortie où on ne sait jamais si on peut trouver des trucs utiles. Parce qu'a priori, on n'a pas. Bon, il y a peut-être des endroits qu'on peut encore checker avant de se barrer. On lui connaît plusieurs maintenant. Avant, il y avait Alexios. Ouais. Je veux bien vous aider à la prochaine sortie, mais il me semblait qu'on partait de l'idée qu'il n'y avait plus de prochaine sortie. On faisait nos courses et on commençait à partir je sais pas où, comme vous aviez voulu. On vous a soutenu là-dedans. Il n'y a rien d'organisé, hein, c'est juste dit comme ça. Mmh. Là, il n'y a rien de... De toute façon, il y aura forcément une prochaine sortie, puisque là où on va décider de partir... la suite fera que nous devrons faire des sorties assez régulièrement pour se réapprovisionner, que ce soit ici ou autre part. Donc, oui. J'espère qu'à ce moment-là, on pourra compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi, en tout cas. Ok. C'est cool. Vous voyez qu'il se remet un peu au boulot, mais très rapidement, il reprend très vite la discussion, en fait, comme si depuis le début, il avait un peu envie de vous parler de quelque chose. Mmh. Et en réalité, il attend même pas que Jared Ross soit éloigné ou que ce soit. Hein. Jared, il est toujours avec vous en train de bosser sur les médicaments. Mais il dit tout simplement, sans aucune once d'attention au fait qu'il est militaire, « Du coup, vous en pensez quoi de nos leaders éclairés ?» Pour ceux qui jettent un coup d'œil du côté de Jared Ross, vous voyez qu'il s'arrête un peu dans son mouvement, puis qu'il reprend quand même le boulot, il essaye de pas rentrer dans le jeu. Alors, nos leaders éclairés précisent un peu. Bah. Les hommes en uniforme. Ah! Bah, écoute. On va dire qu'ils. Ils font ce qu'ils savent faire. Là, ils sont là pour organiser et défendre, on va dire. Après, mmh. on peut pas demander. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas prétendre à pouvoir faire toutes les tâches. Je pense que on peut pour tout ce qui est combat et tout ça, et défense, je pense qu'ils ont quand même les aptitudes et l'expérience pour ça. Après, pour d'autres, je pense que Alexios, par exemple, sera plus à même de nous former pour justement aller trouver des choses, chose que peut-être eux, de leur côté, ne savent pas faire. On a tous à apporter notre pierre à l'édifice. Mais il va falloir mettre tous la main à la pâte. Pas attendre que certains se cachent derrière des fausses excuses et que ce soit toujours les mêmes qui charbonnent. D'où ma question tout à l'heure, savoir si vous allez nous aider. Donc toi, tu lui réponds pour toi, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que ton frère en fera de même ? Mon frère est toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin. Ok. Maintenant, juste regarde ça. Tu vois qu'il se tourne un peu pour montrer de la main un peu tout le reste du clan quoi qu'il y a dans de Casio Market. Et il dit tout simplement « Regarde ce qu'on a là. On a deux vieux. On en a deux au moins. » Qui pèsent leur poids en nourriture. On a je sais pas combien de femmes et on enfermé dans un caddie au market. Oui. Je vais pas y aller par quatre chemins. Moi et mon frère, on a remarqué a priori que vous étiez débrouillards. Et on va pas y aller par quatre chemins encore une fois. On n'a jamais caché qu'à la prochaine occasion, nous, notre groupe, qui est bien soudé, qui est bien formé, qui a une bonne discipline, on s'en va. Moi, ce que je dis, c'est juste, venez avec nous. Laissez les uniformes tout seuls, avec leurs chanteuses s'ils veulent, et tous ceux qui voudront rester là. Nous, on s'y Écoute, ce soir, a priori, ils vont nous annoncer quelque chose. On va pouvoir Je vais te stopper deux secondes. Je vais juste demander à tous ceux qui étaient à la table donc des médicaments de me faire un jet d'attention. Après, tu peux continuer à discuter aussi. Alors, j'ai fait un, mais j'ai très mauvais. Donc, je ne sais pas ce que... Ok. Je pense qu'avec un 1, ça passe. Ouais, peut-être pas, hein. Si c'est un dessin inversé. Et moi, j'ai fait 60 le 5 jours. Ok. Alors, je vais vous envoyer à ceux qui ont réussi. Si vous ne recevez pas de message, c'est que vous n'avez pas réussi. Un petit message dans vos personnages, ce sera dans le truc de vos fiches. D'accord. Quoi qu'il en soit, voilà... ils vont nous parler ce soir d'un message a priori qu'ils ont reçu et je pense que c'est à ce moment-là déjà que les positions vont se montrer et puis on avisera je pense du futur de notre communauté. Donc attendons de voir et puis on avisera à ce moment-là. Je pense que ça sert à rien de commencer à diviser tout le monde. Personnellement, moi, j'espère pouvoir faire en sorte qu'on reste le plus groupé possible. Parce que malgré le fait que tu me parles de vieillards, de personnes qui auraient plus de difficultés à bouger ou de femmes, je pense que tout le monde peut apporter quelque chose. Et quel qu'il soit, je ferai pas de discrimination. Pendant qu'il part, moi je me lève et je vais m'asseoir à côté du frère Place. Ok. Juste avant que Sina s'en aille, je lui jette un regard. Le genre de regard. Dire Il est répondu, le regard. Ok, le regard est répondu. Parfait. Très bien. Bon, du coup, bah, y a Cinda qui se replace donc à côté du frère pendant qu'il est en train d'écouter du coup ce que dit Ed. Je ne sais pas si tu veux suivre cette action de quelque chose, Cinda. Pour l'instant, je laisse la conversation se terminer. Les gens ont des choses à dire, ça va. D'accord. Donc, simplement, il écoute Ed parler jusqu'à la fin et il n'a pas trop de réponses à formuler en réalité. Il dit juste... Ouais, je comprends votre point de vue. Bon, je vais aller rejoindre mon frère maintenant. Ok, je bloque le mouvement qu'il fait pour se lever, tu sais, en mettant mon bras autour de lui, tu sais, en mode accolade. Mm-hmm. Et je le toise. Tu vois qu'il s'immobilise un peu dans son mouvement, du coup, quand tu commences à le prendre en accolade. Et il te regarde un peu avec un air comme si... C'est comme s'il comprenait pas trop la situation. Excuse-moi, mais tout à l'heure, là, t'as parlé de partir avec un groupe qui est soudé. Mais... J'ai l'impression que moi, les groupes soudés, c'est un groupe auquel je peux faire confiance, tu vois. Un groupe avec lequel je peux partir et confier ma vie. Et moi, quelqu'un... Et quand je dis ça, tu vois, je me lève pour me remettre vraiment à la hauteur où il s'est arrêté. Mmh. Quelqu'un qui va nous voler comme ça, en pensant nous prendre pour des idiots, j'ai qu'une envie, c'est d'éclater sa gueule. Alors rends et casse-toi. Tu vois que il y a même pas de moment d'immobilité où il processe le message ou quoi que ce soit. Il va directement, lentement, chercher dans sa manche et il sort une petite boîte de médoc qu'il avait subtilisée discrètement. Il la repose sur la table. Et si tu le lâches, il va s'éloigner en essayant de garder une certaine fierté dans sa démarche. Je le laisse partir. Voilà. Bien entendu, tout ça a été noté du regard par Jared Ross qui était à côté et qui a été très surpris de voir ce tour de magie de médicaments qui est apparu. Très bien. Du coup, s'il n'y a rien de plus à dire pour qui que ce soit, on va un peu faire un fast-forward de la journée. Voilà, on va avancer. Vous avez fait ce que vous aviez fait à faire, vous avez discuté, vous avez grignoté. Et arrive finalement le soir. Le soleil se couche au loin. La fumée au loin est toujours en train de monter au ciel. A priori, l'incendie qui est là-bas ne s'est pas éteint. Même si... Pour ceux qui sont quand même au fil de la journée montés sur le toit pour regarder, voir un peu la progression peut-être du feu, ça n'a pas l'air de se propager plus que ça en réalité. Ça a l'air d'être très contrôlé comme incendie. Très statique. En tout cas... C'est même un peu étrange, non, que ce soit aussi contrôlé. Enfin, je veux dire, normalement, s'il y aurait un incendie comme ça en ville, c'est censé s'étendre. Ouais. C'est possible. Vous pouvez partir de ce principe-là, en effet, qu'il y a un petit truc suspect là-dessus. Comme si c'était pas déjà suspect de base. Et vous vous réunissez donc, le soir venu, à la demande de Richard Langstrom, tous autour de votre petite assiette, avec votre petit repas, que vous a fait votre cuisinier attitré Bob Patrickac, donc le plus vieux du groupe. Qui est très bon, il est très bon à ce qu'il fait, même si vous n'avez pas grand chose à faire, le peu que vous avez à faire comme nourriture, il le fait très bien. Donc tout le monde a son assiette, tout le monde est en train de se relaxer un peu à se remplir l'estomac. Et vient donc le moment où Richard Langstrom se lève après avoir fini son assiette beaucoup plus vite que tout le monde et s'adresse à toute l'assemblée. Avec un « Bon, Je vais avoir besoin de votre attention totale. Je sais qu'on a pris des décisions il y a à peine une journée. Mais, et ça, mes deux hommes ainsi que les gens qui se trouvent ici, en vous pointant un peu rapidement, vaguement du doigt, savent, c'est que nous avons reçu un message aujourd'hui qui nous vient directement du gouvernement des États-Unis. Vous voyez que déjà en disant ça, vous avez quelques petits murmures qui bougent un peu dans la pièce, certains gens qui discutent. Que ce soit des murmures qui ont l'air un peu surpris et un peu heureux, ou des murmures qui ont l'air un peu méfiants. Surtout du côté des Place. Les deux frères Place commencent déjà à discuter entre eux avec un air un peu conspirateur. Mais Richard Langstrom n'y fait pas attention, et il continue. Gouvernement se trouve actuellement en Alaska, et il utilise des relais à travers plusieurs équipes qu'ils ont déjà contactées pour parler, pour nous parler personnellement à nous et à tout notre groupe avec qui il pourrait être entré en contact. Les directives sont claires et ce sont les mêmes que celles que nous vous avons données depuis le début, ce sont les mêmes que celles qui nous avons été données à nous au tout début de cette pandémie. C'est-à-dire rester sur place, attendre que les autorités arrivent jusqu'à nous et être relocalisés ensemble à tel ou tel point dont nous ne connaissons pas pour l'instant les coordonnées. Cela prendra un certain temps, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous faire miroiter le paradis ou quoi que ce soit. Ça prendra du temps. On n'est pas le groupe le plus proche de l'Alaska qui soit. On est peut-être même un des plus éloignés. Mais on doit rester sur place, on doit faire ce qu'on peut pour tenir le temps que les forces armées du gouvernement arrivent jusqu'à nous. Et nous sommes dans cette situation. Est-ce qu'il a l'air sincère quand il dit ça ? Eh bien, je vais te demander un jet de volonté. C'est bien la volonté. Ça tombe bien, je suis très fort en volonté. Eh bien, j'ai fait 5 et je suis très mauvais. Yes. Du coup, t'essayes de rester attentive et tout ça, mais c'est vrai que dit de manière officielle et tout ça devant toute une assemblée, tu te prends peut-être même toi-même à peut-être à avoir un petit regain d'espoir, même si tu essayes de rester critique parce que tu as déjà l'avis de ton groupe qui t'a été donné, vous en avez discuté. Donc, tu es même plus, en réalité, en écoutant ça, tu es plus occupé à te faire la guerre à toi-même dans tes propres sentiments qu'à vraiment savoir s'il est sincère ou pas. Voilà, ça t'occupe un peu plus que... Voilà. Ton cœur est déchiré. J'ai fait 5 pourtant. Ouais, je sais. Alors son cœur est pas déchiré, il va très bien. Je m'en occupe très bien. Très bien. Aucun problème. Bon. Du coup, dans le silence qui suit, qui n'est pas un silence du tout en réalité, parce que plusieurs personnes essayent de prendre la parole immédiatement à la suite, hein, c'est pas une surprise, chaque personne a son avis, chaque personne a ses questions, et c'est un véritable brouhaha qui se révèle jusqu'au moment tout simplement où tout le monde commence à se rendre compte que personne ne répond à personne, et qu'on n'entend rien, et certaines voix commencent à se baisser. Et la première qu'on entend, c'est celle de Archibald Place, donc le monsieur qui allait sur le toit, pas celui qui a volé des médicaments, l'autre. Celui-là qui était sur le toit, qui se lève même pour parler, lui aussi, ça s'adresse à toute l'assemblée, il fait « Quelle preuve on a que vous ayez vraiment reçu ce message ?» Mon avis, c'est que ça va étrangement dans votre sens et que ça arrive juste après qu'on ait décidé qu'on devait bouger. Alors loin de moi l'idée de dire que vous êtes des menteurs, mais ce serait bien d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Sur ça, certains, justement son frère ainsi que Eric O'Malley, à qui vous n'avez pas beaucoup discuté, qui est un jeune du groupe des Place, font des « Ouais, on en veut plus, on veut plus d'informations. » Je sais pas s'il y a un certain d'entre vous qui appuie même juste du regard ou en bougeant la tête en disant « Oui, appuie un peu cette décision. » Je répète, ouais. Théorie à voix basse, mais vraiment en mode messe basse, en espérant que quelqu'un l'entende et le répète plus fort en mode « Il suffirait de les éloigner, de leur demander de traduire le code séparément pour s'assurer qu'ils aient bel et bien la même version. Puis si personne n'entend, je répète une deuxième fois un tout petit peu plus fort. Et puis bon, si personne n'entend définitivement, j'arrête. Ok. T'essayes de faire pas... Je vais te demander un jeu de pouvoir. On va voir comment tu lances les rumeurs et les plans à travers l'assemblée. Donc de dire un truc et de faire comme si on voulait pas vraiment que les gens entendent, mais bon, en fait, un peu quand même. Ouais. Et ben, je suis pas très fort, j'ai fait 91, mais je suis bon. Ok. Bon, du coup, tu dis ça à semi-voix basse, en espérant que quelqu'un à côté t'entende. Tu remarques, a priori, Adam Sparrow, donc le professeur en ethnologie, qui était assis pas loin, te jette un petit coup d'œil, comme a priori, il t'a entendu, mais il ne réagit pas plus que ça, il prend pas la parole, il répète pas ce que tu as dit, il faut que ce soit. Il semblerait que la chaîne que tu as essayé de lancer s'arrête à lui. Bon. Oui, Alexios, tu peux prendre la parole. Je me lève. Edwine, juste après. Moi, je veux juste dire que j'ai... Ah. À ce qu'il disait, je voulais juste dire que j'acquiesçais quand... Il y avait la prise de parole là, de présente. Ok. Je vais demander à ce fameux Place de fermer sa gueule, enfin sa grande gueule, et regarder. Fais-le moi en roleplay, s'il te plaît. Je veux entendre ce que tu lui dis exactement. Ok. Je tiens à dire que avant qu'il le fasse, je le soutiens à 100%. Je vais le regarder en mode oui. Vas-y. Je me lève, je dis. Comment il s'appelle l'autre con là? Archibald Place. Ok, bah je vais l'appeler Trou de Balle. Alors, je vais demander au trou du cul qui est ici, hein, présent, qui est en train de prendre la parole, de bien vouloir fermer sa gueule, déjà de base, parce que moi j'ai eu une conversation avec lui en haut, mais bizarrement ils veulent avoir leur part de médicaments, alors qu'ils ont même pas... au moins, ils nous ont même pas aidés à venir les chercher, donc ils méritent pas leur part. Et deuxièmement, je me retourne vers les militaires, j'aimerais avoir quand même savoir si c'est vraiment le cas, votre message. Parce que ça me paraît un peu long, la distance entre Alaska et la Floride. Le temps qu'ils arrivent, on aura le temps de mourir, en fait. C'est vrai, ça? C'est pas censé être des radios haute fréquence que vous avez pas à disposition pour envoyer des messages depuis... Enfin, fond du trou du cul de l'Alaska dans un bunker jusqu'ici. Enfin, comment vous avez fait pour le capter? Donc, dans l'ordre, Archibald Place, déjà, tu vois qu'il a eu... Il a eu un regard assez mauvais dans cette direction au moment où t'as fait ta première partie d'intervention. Mais tu vois qu'au moment où t'as commencé à remettre en question les militaires, il a décidé que c'était pas la peine de continuer, enfin de répondre à cette accusation et tout ça. Et il laisse la discussion aller dans le sens de ce qui se passe. Pour ce qui est de Langstrom, à la question, en effet, c'est très loin, comment ça se fait, ouais, vous avez peut-être des radios spéciales alors que votre truc, ça a l'air d'être une radio de merde. C'est plutôt une cibie qu'ils ont. Tu vois qu'il y a son visage qui se ferme un moment. Vous ne savez pas s'il est contrarié, s'il essaye de réfléchir, s'il essaye de trouver un moyen de l'expliquer à des gens qui ne connaissent pas telle ou telle chose. Vous ne savez pas trop. Je vais d'ailleurs vous demander à tous ceux qui sont dans l'assemblée et qui s'intéressent au visage de Langstrom, de me faire un jet d'attention. Alexios et Ed Smith sont les seuls, a priori, à capter un peu plus de choses dans son visage. Et vous captez tous les deux dans son visage qu'a priori, il est très contrarié par cette question. Il n'aime pas du tout, a priori, que vous remettiez en question son histoire. Mais il prend tout de même la parole, il continue, et il dit « Je ne vais pas vous expliquer toutes les technicalités. Je ne suis pas sûr que la plupart d'entre vous puissent comprendre. Mais vous noterez que j'ai bel et bien parlé de relais. Mmh. Vous êtes d'accord avec moi, j'en ai parlé. J'ai parlé de relais. En effet, ce message ne nous vient pas directement de l'Alaska. Il nous vient d'autres groupes qui ont fait le relais, simplement. Question, oui. MJ. Mmh. Est-ce que quand on était qu'avec lui, il nous a parlé du relais? Parce que je pense pas que j'ai retenu le mot relais quand il nous en a parlé en solo. Il en a parlé. Ce à quoi certains dans l'assemblée, notamment les Place, répondent « Ouais, les relais, c'est facile, les relais. » Et il venait d'où ce relais-là, par hasard? Tu vois que Langstrom prend encore un petit moment pour répondre, que vous pouvez interpréter de la manière que vous voulez. Et il dit tout simplement « Le relais nous vient directement de Montgomery, en Alabama. A priori, c'est le groupe avec de l'équipement militaire qui se trouve le plus proche. Bon. » À ça, les Place ne répondent pas grand-chose. Ils pensaient peut-être avoir trouvé le moyen de le niquer, ce qui n'est pas le cas. J'ai une question, à savoir, donc si le message en soi... n'est pas un message qui nous est attribué, enfin qui nous est attribué personnellement. Hein, c'est un message qui est relayé par un autre relais, et un autre relais, et un autre relais. Donc en soi, ils sont juste en train de prévenir qu'ils passeront un de ces quatre. Donc on n'a aucune idée de quand réellement ils vont passer, puisque je suppose que vous n'avez aucun moyen de pouvoir répondre ou vous pouvez répondre à ce message. Est-ce que la connexion se fait dans les deux sens? La connexion est supposée se faire dans les deux sens. Cependant, nous n'avons pas eu de réponse à nos réponses. Ok, oui, donc en soi, on n'a aucune idée de quand il serait supposé arriver ici. En effet, ce que j'ai dit, mais il faut absolument rester dans les villes. Ce sont des directives directes. Des directives directes. Même avec le nombre de miliciens qui sont dans la rue, là? Oui, même avec les miliciens. Après, honnêtement, par rapport à ça, justement, par rapport à ce que nous avons... ce que nous avons eu à faire, alors on n'a vu personne en soi, on a... que vu le résultat de leur action, mais personnellement je trouve que ils sont super bien organisés. C'est plutôt une stratégie assez intelligente quelque part, parce que ils ont peut-être dans l'idée de, en faisant ça, de nettoyer en gros la ville des rôdeurs qui s'y trouvent, si j'ai bien compris. Mais dites-moi si je me trompe, ceux qui étaient avec moi, ils n'ont pas fait sauter l'hôpital, il me semble. Non, je crois que l'hôpital était épargné. Hein. Voilà, donc... Vu la taille de l'hôpital, je pense qu'on aurait été pris dedans, ça aurait été compliqué. Voilà, donc on sent quand même que ce groupe a l'air d'être assez bien organisé, que leurs actions sont assez réfléchies. On a cru voir quand même que les incendies étaient pas mal maîtrisés, donc je pense qu'ils essayent peut-être d'assainir la ville et de faire en sorte que, donc pourquoi pas peut-être essayer de faire, alors pas forcément un rapprochement, mais d'essayer d'en apprendre un peu plus sur ce mystérieux groupe de gens, et parce que peut-être qu'ils ne sont pas forcément hostiles et qui pourraient peut-être nous accueillir, et on pourrait peut-être tous travailler ensemble. Parce que jusqu'à présent, vous êtes là tous les trois. J'ai rien à dire sur votre travail, mais clairement, ils sont mieux organisés que nous. Et ils sont plus nombreux. Ils ont des moyens, clairement. Enfin, vu l'explosion qu'il y a eu, enfin, les explosions, c'est pas le même genre de groupe. C'est même. C'est ça, c'est peut-être déjà militaire. Il y a peut-être. C'est pas bête. C'est peut-être déjà des militaires qui ont déjà posé ces choses-là. Je vais demander à Ed de me faire un jet de pouvoir qui sera soutenu par des jets de pouvoir de tous ceux qui ont rajouté leur intervention pour son point. 43. Et si des gens ont encore des trucs à dire, qu'ils me le disent. 43 moyens. Moi, je souffle des choses à Cinda, mais j'ose pas dire les trucs quand même parce que ça fait un peu débat d'adulte et j'ai l'impression que personne m'écoutera de toute façon. Ok. Bon, Cinda n'est pas une grande aide. Malexios aide un peu, lui rajoute quelques petits points. Donc tu vois que, à ce que tu dis, et à ce que rajoutent Alexios et Cinda, certaines personnes ont l'air de discuter. Il y en a certains qui font, qui disent qu'en effet, t'as absolument raison. Il y en a qui disent, on est plus on est nombreux, plus on est fort. Il y en a qui disent, avec ce qu'ils ont, on pourrait se débarrasser de toutes les saloperies qu'il y a dans la ville. Et ce genre de choses. Ce à quoi Langstrom ou même aucun militaire ne répond quoi que ce soit en particulier. En réalité, vous voyez qu'ils ont les trois militaires ont l'air assez. Ils savent plus trop où donner de la tête parce que maintenant ils ont plus ils sont plus face seulement à une seule question, mais à une seconde vu que tu en as rajouté, et celle de comment on gère le groupe d'à côté, s'il y en a. Enfin, s'il y en a. Donc, ce sont deux questions différentes, et vous voyez qu'ils attendent de voir si la discussion continue, ou si, a priori, on a changé de sujet. Donc, je sais pas si d'autres ont des avis à donner sur ce nouveau sujet. Bon, en tout cas, moi, je regarde un peu tout le monde. Je regarde aussi Ashley, parce qu'elle était présente. Et de souvenir, je crois qu'elle aussi avait noté que c'était les bâtiments qui étaient marqués où il y avait tous les rôdeurs dedans qui avaient sauté de souvenir dans les jets qu'on avait fait. Donc voilà, je la regarde comme si je savoir son avis par rapport à tout ça. La mettre un petit peu en face de... River. Mm-hmm. T'en penses quoi, toi? Eh bien, du coup, bon, dans le cas où Cinda du coup, a pas dit ce que je lui ai dit, je pense que les militaires devraient être plus transparents avec nous. On pourrait facilement clore une bonne partie du débat si jamais ils nous prouvaient que leur code était le bon. Ou si on les faisait passer entre guillemets un genre de test pour être sûr que leur version est bien la même, leur interprétation du message en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Après, sinon, en ce qui concerne ce qu'on vient juste de dire, t'en penses quoi sur ce fameux groupe? Est-ce que tu penses que ce serait peut-être pas une bonne chose, peut-être sans pour autant leur faire face de suite en essayant d'ouvrir la communication, mais au moins peut-être de tomber sur eux, mêler les débats pour l'instant, et justement on devrait essayer de régler les choses les unes après les autres, parce que la réponse à ce que je viens de poser comme problématique va beaucoup influencer la suite de ce qu'on voudra faire. Mmh. Je comprends. Je pense que c'est beaucoup plus simple de faire ce qu'on... Tout le monde se tourne vers les militaires. Eh bien, les militaires sont figés. Non pas de stupeur, hein, ils sont figés dans leur pose habituelle. Mais ils sont figés. et ils ont tous, cette fois-ci, des visages un peu fermés. C'est contrarié. Et c'est Langstrom qui reprend à nouveau la parole pour tout le monde. Et il répond simplement « Non. » On ne parlera pas du code. Pour deux raisons, simplement parce que c'est pas du morse. Vous apprendre à le comprendre serait toute une aventure. Et secondement, s'ils sont codés, c'est qu'il y a une raison. Alors, est-ce que dans ce cas, on peut vous séparer dans des pièces différentes et vous faire écouter le message et nous vous demander une retranscription mot par mot, sans que vous puissiez vous concerter avant pour s'assurer que vous ayez bel et bien au mot près la même interprétation? Je vais te demander un petit jet de pouvoir, s'il te plaît. Et s'il y en a qui veulent aller dans l'assemblée faire des... Ouais, mettez-les au test. Ouais, moi aussi, je l'appuie quand même. Ouais, en test. Alors, tous ceux qui veulent mettre au test, vous me faites aussi des jets de pouvoir. Comme des étudiants. Et Alexios, si t'as quelque chose à dire en plus, tu peux le dire. J'ai vu que t'as essayé de parler. Moi, je suis d'accord avec Ashley. Mais je pense qu'il faut le faire directement, maintenant, pour éviter qu'ils se concertent entre eux. Oui, c'est ce qui était insinué, ouais. 78, mauvais, ok. Donc, de manière générale, c'est assez positif, mis à part pour peut-être les derniers. Quoique non, mais Dwayne, en réalité, s'en sort assez bien. Du coup, en effet, vous lancez limite un véritable mouvement de contestation sociale dans ce groupe. Car en effet, vous n'êtes pas les seuls maintenant à dire mettez-les au test. Vous avez Adam Sparrow, donc le professeur d'ethnologie, qui vous suit. Vous avez les Plays qui vous suivent et tout le groupe des Plays, c'est-à-dire Eric O'Malley et Misha Ashley. Bob Patrika et Cillian restent assez silencieux. Peter le Boucher, lui, reste silencieux aussi. Et vous avez même Kali qui dit qui s'y joint juste pour le plaisir de se joindre au mouvement qui qui se forme. Les tests. Vous voyez que cette fois-ci, c'est pas des visages contrariés que vous avez en face de vous, c'est limite des visages décomposés. Alors ils sont pas devenus des zombies, ne vous inquiétez pas. Mais ils ont vraiment une mauvaise tête. Et face à tout ça, tout simplement, t'as Langstrom qui fait bien, on va faire ça. Ça peut vous faire plaisir. J'imagine que vous voulez qu'on fasse ça tout de suite. Si ça vous dérange pas trop. De toute façon, si vous vous dérangez, vous énerverez. Très bien. Alors du coup, je vous posais la question, moi en tant qu'OMJ, comment vous organisez ça? Alors, je pense que le protocole serait d'en mettre un sur le toit, un dans la réserve et un à l'avant de la pièce du magasin. Comme ça, on les éloigne le plus possible. Ensuite, on va chacun les voir avec un petit groupe composé de plusieurs personnes. Il faut des personnes pour les maintenir entre guillemets en place. On va pas aller non plus les attacher à des chaises, tu vois. Mais tout ça, je le dis à Silda pour qu'elle le répète aux autres. Ils soient du coup, on soit sûr qu'ils fassent pas de communication entre eux ou quoi. Et on va aller voir les uns après les autres, on leur fait écouter la radio, le message, et on leur demande au mot près de nous dire ce qu'ils entendent. On peut même noter sur une feuille, pourquoi pas, la retranscription. Du coup, sans nous donner le code, on aura ce qu'ils comprennent. Et ensuite, on va voir la personne d'après, puis celle d'après, et on compare les résultats pour voir si ça a l'air d'être à peu près la même chose, ou s'ils comprennent pas du tout un seul traître mot de ce que c'est, et qu'ils inventent tout de A à Z, en essayant d'avoir l'air crédible, entre guillemets. Ok. J'ai répété tout ça en direct. Hein. Ben, génial. Bon, du coup, je pars du principe que c'est vous, le juge et jury, ou alors vous faites vraiment déplacer tout le groupe à chaque fois dans la pièce pour que tout le monde écoute tout. Après, je précise, là, ce que je dis, c'est ma version à moi. Hein. Peut-être que les autres ont d'autres trucs à protocole. Les gens ont le droit de participer aussi. Hein. Ouais. Il y a peut-être des failles dans ma technique, je ne sais pas. Ben, allez-y, dites-moi des choses. Non, mais c'est cohérent dans le, dans le process. De toute façon, après, on n'a pas énormément de place non plus, donc il n'y a pas 36 endroits possibles. Donc, plus ils vont être éloignés les uns des autres, et comme tu l'as très bien dit, Ashley, on est, je pense, le toit, la réserve et l'avant du magasin, enfin, de la supérette, c'est bien. Pour répondre à ta question, on va pas déplacer tout le groupe, puisque le but, c'est qu'on va les faire écrire sur des feuilles. Donc, en fait, même si on les sépare, même si tout le monde ne surveille pas H24, bah, à la fin, on lira les feuilles tous ensemble, en groupe, et on verra bien si, s'il y a concrètement la même chose ou pas, quoi. Donc, en gros, on fait des petits groupes et chacun surveille, quoi. Ok. Voilà, c'est le baccalauréat, quoi. Je surveille celui qui est au toit. Ok. Très bien. C'est le chef qu'on met sur le toit. Génial. Si vous voulez, n'arrêtez pas la réserve. Comme ça, s'il veut fuir, il peut se suicider. Il peut contempler la ville en flammes. Très bien. Et bien, du coup, on va se mettre directement au boulot et juste vous demander par qui vous commencez. Le chef. Ok. Avant qu'il se suicide, du coup. Très bien. Donc vous vous occupez de Langstrom et je vais demander, est-ce que vous êtes tous là, du coup, vous, et vous laissez la surveillance au reste de la communauté, ou est-ce que vous vous séparez? On se sépare. On le laisse respirer un peu, quand même. Ok. Donc, qui s'occupe du chef? Alexios voulait aller sur le toit, donc okay. On met Alexios et Dwayne. Moi, je vais comme si, d'accord. Jared. Je vais rester avec Jared tout le long pour le surveiller. Ok. Dans la réserve de médicaments, donc. Pareil, il nous a humilié, il faut que je prenne ma vengeance sur Jared. Il faut qu'on reste coincé avec lui. Mais avant, on se concerte, on se dit que si jamais il nous parle, il faut pas l'écouter, il va nous mourir. Très bien. Okay, bah, je vais m'occuper de Francis Birkin. Ok. Donc je vais pour l'instant m'occuper donc de ceux qui s'occupent de Langstrom, donc c'est Alexios et Dwayne, sur le toit. Alors, de votre côté, donc, Alexios et Dwayne, vous installez donc Langstrom sur le toit, assis sur une chaise devant la petite table qu'il y a habituellement. Vous déposez la radio, j'imagine, et je vous laisse parler. C'est vous qui décidez quand vous lancez la radio, vous décidez de ce que vous lui dites, vous gérez ça comme vous voulez. Allez-y. Vous êtes prêt, monsieur? Ah oui, s'il faut vraiment le faire, je suis prêt. Allez-y. J'appuie sur le bouton. Ok. Tu appuies sur le bouton et ça commence donc à lancer les séquences de petits bip bip. Et il dit simplement. Alors ça, attendez, il faut juste que je vérifie quelle ville j'avais donné pour l'Alabama, parce que ça j'ai oublié. C'est le MG qui est là. La Montgomery. Voilà. J'ai oublié ce que j'avais dit. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Ah oui. C'est bon, je reprends. Alors, transmission Montgomery, Alabama. Relais, gouvernement, Alaska. Relocalisation. Directive claire. Restez ville. Gouvernement, prépare action. Groupe militaire en constitution. C'est bon, vous êtes content? Oui. Vous allez rester ici? Je vais passer la radio à un mec qui est au niveau de l'escalier et je lui dis va le donner aux filles. Et on reste avec lui. Parce que okay. Pas de questions. Très bien. Du coup, les filles, vous avez été désignées par Alexios pour être la suite. Donc, vous qui étiez avec Jared, avant même qu'on vous amène la radio, je sais pas si vous avez essayé de lui dire quoi que ce soit ou... Ouais. Je suis quand même, tu sais, c'est pas contre toi. Je t'apprécie vraiment, mais disons que certains parmi les gens avec qui tu travailles font un peu plus peur que d'autres et... On doit s'assurer que Bah, qu'on puisse vous faire confiance. Je comprends que vous doutiez, mais quand même, vous pensez que c'est... Qu'est-ce qui nous arrange? Qu'est-ce qui nous arrange à vous laisser, à vous garder ici? Je sais pas, on a juste peur, comprends. Mais de toute façon, ça sera bientôt terminé. Vous avez prouvé que le message est bon et ça évitera les soupçons. Et au moins, on pourra avoir confiance les uns les autres. La confiance a du mal à régner ces derniers temps. Voilà, sauf envers les vrais joueurs, là. Je pensais que, mis à part les plays, on se faisait tous un peu confiance. A priori, c'est pas le cas. Ça me chagrine un peu, je vous avoue, mais... Je lui fais un câlin. Non, je... Très bien. Oh, mais oui, les temps sont durs. On peut pas demander aux gens de... Hein. Mm-hmm. Non, tu fais chier, j'arrête. Non, on avait dit qu'on lui parlait pas. Il m'énerve. Je suis en train de vous vaincre psychologiquement. C'est quand vous nous donnez la radio, on va faire non, non, c'est bon, il a réussi le test. Il te regardera dans les yeux. Maintenant, vous allez me donner votre arme et quitter la pièce. Non, très bien. Donc bon, la discussion en réalité se termine assez rapidement parce que la radio vous est très rapidement donnée. A priori, au-dessus, ils ont été directement au but et ils ont eu leur réponse rapidement. Donc on vous passe la radio. Maintenant, à vous de voir si vous lancez directement ou pas. Oui, on a déjà parlé. Mmh. Ok. Bon, du coup, vous lancez la radio. La petite série de bip bip se lance. Et vous voyez que bon, il reste un peu silencieux un moment, il écoute. Puis il fait attendez, mettez stop. Stop. Voilà. Y a un truc que je dois vous dire. En tout, pour être parfaitement honnête avec vous, c'est que l'officier, c'est Langstrom. C'est pas moi. Moi, je suis un troufion de base. Hein. Le seul qui est plus bas que moi, c'est Francis. Je suis pas à 100% formé pour traduire ce genre de message-là. C'est l'officier, normalement, qui fait ça. Et comment est-ce qu'on fait si l'officier venait à mourir? Bah, il meurt. Écoutez, c'est l'officier qui gère ça. Si vous voulez relancer, je vais traduire du mieux que je peux. Mais je vous dis juste ça, cette information. Gardez-la en tête. Ok, je relance. Ok, donc tu relances. Tu vois qu'il reste encore un peu silencieux un moment. Il traduit pas de bout en bout. Enfin, il traduit pas immédiatement dès qu'il entend les bip-bip. Et il dit tout simplement... Transmission de Montgomery, c'est le gouvernement des États-Unis, ils sont en Alaska, ou en tout cas au nord. Ouais, et ils disent simplement qu'ils reconstituent un groupe et que voilà, ils vont arriver. Il nous faudrait du mot à mot, si possible. Écrit sur cette feuille-là. D'accord. Mot à mot. Allez-y, renvoyez. Attendez, qu'il y ait un sens ou non à vos phrases, c'est pas très grave. Il nous faut juste ce que vous entendez mot par mot. Ok. Allez-y, renvoyez, que je réécoute pendant que j'écris. Non, je renvoie, bien sûr. Ah. Très bien, vous renvoyez. Donc du coup, il écrit mot à mot, entre guillemets, et il écrit « Transmission Montgomery, gouvernement États-Unis, Alaska, entre parenthèses, nord, point d'interrogation. » Et il continue avec « Reconstitution, groupe, sauvetage en approche. » Ok, merci. On prend la radio et on l'emmène, enfin on la fait mener au dernier groupe. Très bien. Du coup, vous amenez la radio à l'autre groupe. De ton côté, donc, Ed, toi qui du coup étais plus ou moins... J'imagine qu'il y avait quelqu'un d'autre avec toi, que vous soyez au moins deux à chaque fois. Ouais, ouais. Archibald Flace s'était proposé parce qu'il veut, prendre part aux décisions, forcément. Il va me casser les couilles. Vas-y. Donc, c'est bon. Et donc, bon, on va reprendre un peu avant que t'aies la radio. Ouais. Et je vais te demander simplement si tu parles un peu donc à ce fameux Francis Birkin avec qui vous n'avez pas tant discuté que ça depuis le début. Ouais, mais écoute, Francis, on se connaît pas bien. Je sais qu'on n'a pas beaucoup eu l'occasion de discuter ensemble. Enfin, c'est pas contre toi que. Enfin, contre vous. C'est juste que, comme tu as pu le remarquer, il y a pas mal de tensions dans le groupe. Et je pense que de faire preuve un peu de montrer de l'honnêteté et de la franchise, je pense que ça va un petit peu permettre de calmer les tensions. Et, mais bon, je suis sûr que vous ne voulez pas nous mentir et qu'une fois que vous aurez prouvé à tout le monde que le message est le même, eh bien, on pourra reparler de tout ça calmement et envisager les choses, les choses de manière plus stable. Ça fait combien de temps que tu es dans l'armée ? Pas si longtemps que ça. Je suis juste un privé. Un privé ? Ouais, je suis tout en bas, quoi. Mais t'as déjà connu des conflits ? T'as déjà eu à aller sur des terrains de... Non, c'est mon premier champ de bataille. Ouais, donc en gros, t'es comme nous, quoi. Tu subis un peu tout ça, malgré tout. Oui, plus ou moins, oui. Alors, je veux bien faire votre test là, tout ça, mais lui je le veux pas dans la pièce, dit-il en faisant juste un geste de tête dans la direction de Place. Ouais, Archibald Place. Je me retourne vers Archibald, je fais valoir ma stature, mon volume. Sans étant agressif, juste je me montre de toute ma... J'écoute, je crois à part, il n'est pas très à l'aise dans ta présence. On a réussi déjà à leur faire accepter le test. Ça ne va pas prendre longtemps, honnêtement, t'inquiète pas, je... Bien vu que je suis pas là pour aller dans le sens des militaires, donc si tu veux bien sortir juste le temps du test, parce que je pense qu'il est un petit peu, il aime pas trop ta présence, mais au moins voilà, le test va se faire, donc si tu peux sortir, ça serait sympa. Tu vois qu'il te regarde, un petit moment, puis il regarde le Francis un petit moment et il dit « très bien, mais je serai intransigeant sur les bouts de papier qu'on aura à la fin. » T'inquiète pas, de toute façon, je suis pas là pour dire des conneries ou de dire des mensonges, comme t'as pu le voir. J'ai une petite quali avec laquelle je veux que sa sécurité soit optimum. Et c'est pas des militaires qui vont me dire quoi que ce soit. Si je sens que ils sont en train de nous raconter des conneries, je l'accepterai pas. Donc, t'inquiète pas. Tu peux y aller tranquille. Du coup, il te fait un petit sourire et un visage de, enfin, un signe de tête pour dire qu'a priori, il a tué sa confiance. Et il quitte la pièce. Ok. Du coup, je me retourne vers lui, vers Francis. Bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Juste une dernière question. Après, ça restera entre nous. Mm-hmm. Je sais que vous, dans l'armée, vous avez vos codes. C'est... Tu peux pas trop discréditer tes supérieurs et tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, t'as bien compris que on n'est plus trop, plutôt dans des, on n'est plus vraiment dans des conditions normales de vie. Avoir des rôdeurs, des machins comme ça, c'est pas vraiment la guerre, c'est juste on veut survivre. Donc pour moi, l'armée, si tu veux, ça passe un petit peu à côté. Hein. Pour moi, c'est t'es un être humain, je suis un être humain, on veut survivre. Honnêtement, qu'est-ce que tu penses de Richard? Tu regardes un petit moment, il est fin de te, pas de te juger, de jauger ouais. Du regard. Et il dit, vous dites ça à cause de ce qui s'est passé quand ça a commencé? Non, juste ton avis sur l'homme et pas sur le militaire, juste l'homme. Est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu lui confierais ta vie, vraiment, ou pas? Non. Ok. Je veux pas que cette information ça reste fuite ou que ce soit. Je veux pas en entendre, je veux pas en réentendre parler après. A priori, vous êtes pas au courant de ce qui s'est passé quand ça a commencé. Non, je mettrai pas ma vie entre ses mains, tout simplement. Parce que quand on attendait tous à l'hôpital d'être héliporté hors d'ici, c'était le premier à essayer de monter. Ok. Sache que ça restera entre nous. Et je te remercie de ta franchise. Je comprends que c'est pas évident pour toi de le faire et je te remercie beaucoup de ton honnêteté. Et voilà, j'attends. Ouais, vous attendez un petit moment, encore un peu dans le silence, du coup. Et finalement, la radio vous est amenée. Et donc, il se prépare avec son bout de papier et son stylo. Et il attend que tu lances la machine. C'est parti. Clic. Tu lances, petite série de bips. Tu vois qu'il est réfléchi un petit moment, lui aussi. Enfin, lui aussi, t'as pas vu ce qu'il y avait avant, mais il réfléchit en tout cas. Il a l'air très pensif, tu vois qu'il fronce les sourcils et quoi que ce soit. Et tu vois qu'au bout de... Une fois que le message est arrêté, il a rien marqué du tout sur le papier. Il te regarde et il fait... Vous pouvez relancer? Bien sûr. Je remets en arrière et je relance. Du coup, tu relances. Tu vois que du coup, il écrit... Il écrit Montgomery, Alaska... Et il dit groupe militaire. Rester dans les villes. Ok. Tu veux que je le repasse une dernière fois ou tu penses que t'en trouveras pas plus? Non, j'en trouverai pas plus. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, je te remercie et puis bah, on va aller voir les autres et puis on va confronter tout ça. Donc on part tous les deux et puis je lui fais une tape genre amicale sur le dos. Voilà, que c'est, pour moi, c'est je le considère comme un bon gars, tu vois. Très bien. Bah du coup, j'arrive avec l'enregistrement et le papier de Francis. Alors, je sais pas où sont les autres. Eh bien, je pense que tout le monde, simplement, tout le monde se fait signe de se réunir, de toute manière. Il y a besoin de les garder captifs. Enfin, captifs. Tout le monde se réunit au centre du Casio Market. avec nos trois hommes militaires qui se font asseoir sur une chaise, tout simplement. Hein. On ne leur permet pas de prendre le dessus sur la situation en se mettant debout et à fixer tout le monde. Et vous, tout le monde se passe un peu les papiers pour regarder. Alors du coup, je vais vous demander si vous avez des remarques vous-même en tant que joueur-joueuse, mais à travers vos personnages, sur ce qui a été dit en tant que message. Et après, on fera peut-être quelques G à vous de voir. Je veux bien que tu nous le répètes du coup une dernière fois. Exactement, surtout le premier en tant que tel qui était le plus complet. Ok. Si ça ne te dérange pas. Alors, le premier, c'était Relais Montgomery, Alabama. Il y a un problème. Qu'est-ce qui a été partagé? Non, c'est de Sindar, parce que j'ai dit captif pour dire pris, et que même le groupe se souviendra de ça. Très bien. C'est tellement le meilleur même. Je lance. Donc c'est Relais Montgomery, Alabama, gouvernement États-Unis, Alaska, relocalisation, reconstitution groupe militaire. Rester dans les villes. Non, attendez, rester dans les villes, c'était avant reconstitution groupe militaire. Voilà. Ouais, donc globalement, grosso merdo, c'est ce qu'il nous avait dit. Quoi. Mm-hmm. Si j'ai pas un cerveau en miettes, normalement, c'était ça. Non, pour ma part, c'est pareil. Même si le message est beaucoup plus simplifié, dans les grandes lignes, ça reste. Ça reste le même. Quoi. Maintenant, il faudrait pouvoir les comparer, en effet. Et du coup, il me semble que les autres, le problème, c'est qu'ils ont un peu fait des réponses à trous. Et du coup, ça va être difficile de voir quoi que ce soit de très précis. À part, je crois que le début, ils ont tous précisé les mêmes choses. Mais bon, ça va être l'ordre normal en début de message militaire. Donc, j'ai un peu l'impression. Et encore, c'est pas sûr. Il faut vraiment voir. Parce que j'avoue que je ne les ai pas notés. Parce que flemme de noter trois messages. Mais j'ai l'impression que. J'ai eu l'impression d'un manque, sûrement au niveau de Jared, surtout, je crois. C'est le genre de petit détail, genre je crois le relais Montgomery, je sais plus trop quoi, ou un truc comme ça. Il y a un truc, j'ai l'impression qu'il a été omis. Bah, il a dit, Jared a dit Montgomery. Jared a parlé de Montgomery. Il a parlé de l'Alaska. Il me semble qu'il a parlé gouvernement ou genre machin Alaska. Reconstitution armée et rester en ville. De toute façon, on a tout noté sur papier, donc on compare simplement. Mais il me semble que j'arrête à parler de ça. Bon, du coup, moi... Moi, je veux faire gaffe à l'ordre des informations et essayer de voir s'il n'y a pas un truc qui a été omis. Enfin, je te dis sur quoi je focus, quoi. C'est l'ordre des informations et voir l'omission. Parce que, clairement, enfin, ils l'ont entendu, il y a eu un discours commun entre chacun. Donc... C'est facile, hein, là, d'improviser pour avoir un truc qui fonctionne pour tout le monde, sachant qu'il y a des différences de niveau à cause de l'enseignement. Donc voilà, moi je focus sur un petit détail qui aurait été omis, genre tu sais, un petit mot, mais qui changerait le sens de la phrase, un truc comme ça. Ok, très bien. Alors j'ai fait mes petits jets pour ce qui était du reste du groupe, que tout le monde regarde les papiers. Moi je vais vous demander du coup quelques petits jets à vous. Attendez que je retrouve les fiches, mais c'était tout, ça va tout simplement être c'est pas de la connaissance parce que c'est juste du lire des papiers, donc ce sera de l'astuce. En observant les papiers, il devient rapidement évident qu'il y a plusieurs choses qui bloquent. Ça peut être des petites choses, mais mis bout à bout, ça peut poser problème. Première chose, c'est que en effet, Langstrom est le seul à avoir parlé déjà de relais Montgomery, Alabama au complet. En effet, Jared a parlé de Montgomery seulement, il me semble, et Francis a parlé seulement de Alabama. Ensuite, tout le monde a parlé d'Alaska, mais Jared semblait avoir un doute sur Nord. Pour ceux qui ont eu des résultats pour ce qui est dans Asus et non pas dans Attention, vous pouvez vous dire quand même qu'en termes de code, ça doit être quand même une sacrée coïncidence si Alaska et Nord, ça se ressemble en termes de codage. C'est peut-être plus une association d'idées qu'une association de code. il y a ensuite le fait qu'ils n'ont pas tous donné les informations dans le même ordre. En effet, surtout Francis a donné l'information des groupes militaires avant le fait de rester dans les villes, alors que les deux autres ont parlé de rester dans les villes avant. Voilà, c'est les informations que je vous donne. Et ça devient rapidement évident pour absolument tout le monde.